auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, 107 MHz. Radio libre, encore libre, hein, enfin un peu. Et je vous propose le calendrier des esclavages et des libérations. Au programme ce soir, eh bien, il sera question de la retraite, hein, bien sûr. Alors, Mathilde Panot, de la France Insoumise, va nous dire que le sigle LREM, c'est pas la République en marche, c'est la retraite en moins. Elle va nous expliquer ça. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon nous parlera de la retraite pour les morts. Mélenchon, retraite, cri du pays. Adrien Quatennens, retraite et LBD parlementaire. Retraite, la loi BlackRock. La loi BlackRock, alors là, on va nous expliquer de quoi il s'agit. BlackRock, c'est quelque chose, une machine infernale. Et puis, retraite, retrait ou référendum, bien, Adrien Quatennens nous donnera son point de vue à ce sujet. Et puis, il aurait évidemment des chansons, de la musique. Hein. Ah oui, parce que le programme est consistant, hein, est consistant, et il faut un peu de musique pour aider à avaler tout ça. Eh oui, la vie politique est pas très rigolote. Oui, la vie politique et ce que cela nous fait avaler à nous, bien entendu. Hein? Eh oui. Voilà. Alors, bonne soirée et puis à une prochaine. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 24 février? Eh bien, par exemple, le 24 février 1525, en Allemagne et en France, François Ier est battu près de Pavie par Charles Quint. Ce dernier a maintenant les mains libres pour s'occuper des affaires intérieures allemandes, notamment de la révolte des paysans. Il y a une guerre qui se passe en Italie et qui concerne les Français et les Allemands. Hein? Oui, chacun chez soi, hein? Bah oui. Bon, enfin, les moutons seront bien gardés. 1616, Vatican. Décret du Saint-Office. La proposition que le soleil soit le centre du monde et soit immobile est absurde et fausse. En philosophie, est formellement hérétique, étant contraire à la Sainte Écriture. Sainte Écriture, avec des majuscules à Sainte et à Écriture, bien entendu. Point de suspension. La proposition que la Terre n'est pas le centre du monde et n'est pas immobile, mais qu'elle est aussi animée d'un mouvement diurne et également absurde et fausse en philosophie, est considérée en théologie pour le moins non conforme à la foi. Voyez, les religions. Ah, les religions. Ah, il n'y a rien de tel pour faire avancer l'humanité dans le bon sens. Les religions. Vous pouvez les prendre l'une après l'autre, en détail, en revue, les étudier, et vous apercevoir que, finalement, ils nous introduisent en erreur, comme disait l'autre. Hein? 1655, France. Après une dizaine d'années de lutte, les délégués ouvriers de l'imprimerie arrivent à rencontrer les représentants patronaux. Cette première réunion n'a pas d'effet immédiat. Un point cependant est acquis, les compagnons imprimeurs sont reconnus comme les interlocuteurs valables par la puissante fédération patronale. 1848, France. La révolution emporte Louis-Philippe et installe un gouvernement provisoire. Ah ah, vous voyez, il y a de l'espoir quand même. Lamartine en fait partie. Mais il y a équivoque. Les parlementaires veulent une réforme politique. Deux points, suffrage universel, souveraineté nationale. Point. Ils arborent le drapeau tricolore. Les ouvriers veulent une république démocratique et sociale. Ils arborent le drapeau rouge. Ah ah ah, bon. 1848. C'était il y a longtemps, hein, 1848. Les choses n'étaient pas comme elles sont maintenant, hein. Rien à voir. Ou, enfin, pas beaucoup. À étudier dans le détail quand même. 1871, France. À Paris, l'armée de la future commune s'organise. La première réunion de 2000 délégués de la garde nationale se tient au Vauxhall. 1898, Japon. Grève de 400 mécaniciens des chemins de fer. Ils veulent améliorer les conditions de travail et supprimer les licenciements. Le service ferroviaire entre la gare de Ueno, Tokyo Nord, et Aomori, extrémité sud de l'île principale, est interrompu. Tiens, Au Japon, ils font grève aussi. Ils faisaient grève en 1898. Là encore, c'était il y a longtemps. 1906, Japon, fondation du Parti socialiste japonais. Eh oui. 1913, Grande-Bretagne, Emmeline Pankhurst, leader des suffragettes, est arrêtée. Elle a pris sur elle la responsabilité de l'explosion qui a détruit la villa du ministre des Finances. L'explosion qui a détruit la villa du ministre des Finances. Oh, quand elles se fâchent, les femmes, des fois, hein. Oh, ah oui. 1914, France. Une loi modifie la loi du 29-4-1894 sur la retraite des mineurs. Un énorme progrès selon Jean Jaurès. 1914, France, je répète, une loi modifie la loi du 29-6-1894 sur la retraite des mineurs. Un énorme progrès selon Jean Jaurès. 1919, Allemagne. Grève générale en Allemagne centrale pour l'élargissement des conseils ouvriers. Si le peuple français, les peuples européens et américains et autres avaient compris qu'il fallait aider le peuple allemand en 1919 à s'en sortir mieux, à sortir de la misère noire dans laquelle il était plongé, on aurait évité l'arrivée au pouvoir quelques années plus tard d'un certain Adolf Hitler. On aurait évité la Deuxième Guerre mondiale. Voyez, en aidant un peuple à souffrir moins, on pouvait aider l'humanité à souffrir beaucoup moins. 1938, France. Les métallurgistes parisiens commencent une grève pour la reconduction de leur convention collective. 1943, Grèce. Grève générale à Athènes contre l'institution du travail obligatoire en Allemagne. Vous voyez, les Grecs, eux, qui sont pourtant un petit peuple, hein, moins nombreux que les Français, puis ils sont moins tout ça, quoi. Hein? Ah oui, quand même, les Français sont, hein, un peu plus que les autres. Hein? Ah oui, oh ben, souvent. Eh bien, les Grecs, ils n'ont pas hésité à faire grève contre le STO. Eh bien, les Français, eux, ben non. Non, non. Oh ben non. Non. 1971, Algérie. Nationalisation des compagnies pétrolières françaises qui produisent les deux tiers du pétrole d'Algérie. Eh oui, le pétrole nationalisé. Eh oui, mais bon, c'était plus à nous. Hein. Et la colonisation, ça s'était terminé. Eh oui, à une fin. À toutes les oppressions. Un jour ou l'autre, ça me prend un certain temps. Un temps certain, parfois. Mais, normalement, voilà. Eh bien, voilà. Monsieur le ministre, puisque vous avez peur d'être trop subtil et trop intelligent, puisque vous pensez que le peuple est en grève car il ne comprend pas tout, je vais vous aider. Nous savons maintenant que LREM signifie la retraite en moins. Que votre système, soi-disant juste, universel et équitable, veut dire en réalité faire travailler les gens plus longtemps et pour moins d'argent. Et oui, des mensonges, même répétés à l'infini, ne font pas une vérité. La vérité, c'est qu'aucun gouvernement n'aura autant creusé les inégalités que le vôtre. Donner davantage à ceux qui se gavent déjà, appauvrir ceux qui en ont le moins, et avec cette réforme des retraites, s'empresser de creuser leur tombe. Vous vendez l'intérêt général pour vos intérêts privés. Vous osez donner la Légion d'honneur au patron français de BlackRock, mais c'est BlackRock qui devrait vous récompenser pour cette loi. Vous pourriez même leur céder votre place et assumer que cette Assemblée devienne, jusqu'à la fin de l'examen du projet, un conseil d'administration exceptionnel du fonds de pension américain. Pour faire main basse sur les 300 milliards de retraites, vous ne faites pas seulement les poches aux Français et aux Françaises, vous détruisez par le même coup les conditions de notre survie. BlackRock, je le rappelle, c'est des actifs dans 17 000 conseils d'administration à travers le monde, dont Monsanto l'empoisonneur, Total le pollueur, Bouygues le bétonneur et AXA le spéculateur. Vous savez si bien vous entourer. Vous n'avez aucune limite pour servir les puissances de l'argent qui n'ont guère plus que vous pour les défendre. La seule logique qui s'oppose en tout point à votre projet mortifère, c'est l'écologie populaire. Car l'écologie, c'est l'apprentissage de la limite. C'est elle qui nous ordonne de limiter le temps passé à travailler. Travailler plus longtemps, c'est anéantir le temps libre, la possibilité de s'occuper des siens et des autres hors de la sphère marchande. C'est une entreprise de destruction de toute forme de vie intérieure. Nous ne sommes pas des êtres corvéables à merci, à essorer dans la centrifugeuse de l'argent et de la consommation. Nous sommes des êtres de pensée qui apprécions la beauté des choses, vivons grâce aux liens que nous nouons les uns aux autres. Et c'est une bien triste image que vous vous faites de la nature humaine si vous pensez que nous naissons pour travailler jusqu'à la mort. L'écologie, c'est partir des limites des êtres et faire le constat de leur vulnérabilité. Travailler 2 à 3 années de plus, c'est peut-être facile lorsqu'on siège dans un hémicycle ou dans un bureau de direction, mais pour beaucoup d'autres, cela ne signifie pas autre chose que la mort. Je pense aux égoutiers, aux fossoyeurs, aux boucherons, à celles et ceux pour qui l'âge de départ à la retraite que vous proposez coïncide avec celui de l'achat du cercueil. Une personne pauvre sur 4 meurt déjà avant l'âge de la retraite dans notre pays. Voici ce que vous allez encore aggraver, un monde où les gens vont passer du travail au cimetière. L'écologie populaire, c'est reconnaître les limites physiques des êtres, mais également les limites du vivant. Travailler plus pour produire toujours plus de marchandises inutiles et indésirables, c'est aggraver les émissions de gaz à effet de serre en échangeant de part à d'autre du monde, alors même que dans le 7e pays le plus riche au monde, les besoins fondamentaux des gens, s'éduquer, se soigner, se loger, respirer un air sain, ne sont eux pas satisfaits. L'écologie populaire, c'est la construction d'une civilisation du temps libéré. C'est réorganiser complètement nos modèles de production et de consommation pour répondre réellement aux besoins. Au lieu de faire souffrir les gens dans des petits boulots dépourvus de sens, le progrès, c'est justement de travailler moins et mieux. C'est de créer des millions d'emplois socialement et écologiquement utiles qui assurent nos pensions. C'est une société qui ouvre un horizon heureux, qui voit dans l'urgence écologique l'occasion d'inventer un autre monde, loin de votre misère et de votre morgue. Vous êtes la régression en marche, vous êtes resté coincé au 20e siècle où seul comptait le productivisme et le PIB. Votre projet repose encore et toujours sur l'idée d'une croissance infinie et insoutenable. Vous vivez dans une fiction, vous imaginez continuer à nous épuiser, à nous consumer à la tâche, au milieu de paysages détruits, dans les lambeaux de ce qui existait avant et que vous ne seriez pas parvenu à conserver faute à votre irresponsabilité. Mais prenez garde, le jour où les événements climatiques extrêmes nous frapperont encore plus fortement, notre cohésion entière reposera sur la solidarité. En vous en prenant à notre système de retraite, vous vous en prenez à nos capacités intergénérationnelles de résilience au changement climatique. Attaquer la solidarité, c'est nous affaiblir d'autant plus pour lutter et résister au changement climatique. Si nous voulons faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique, c'est vous qu'il faut mettre à la retraite. Nous sommes pour le retour de la retraite à 60 ans. Mais pour vous, nous voulons bien faire une exception. Partez maintenant et ne revenez jamais, car comme disait Aimé Césaire, nous ne vous livrerons pas le monde, à vous, les assassins d'aube. Le cœur de cette affaire et de notre proposition de nouvelle rédaction, c'est de ramener dans la discussion la retraite à 60 ans. Tournons pas autour du pot, c'est ça. S'il vous plaît. Oui, c'est ça qu'on veut faire. Obliger, nous voulons entendre pourquoi la retraite à 60 ans, c'était possible en 1981 avec 37 annuités et demie, et pourquoi ça n'est plus possible aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une catastrophe? Est-ce que le pays est plus pauvre? Est-ce que... Non? Eh bien non. Vous dites c'est parce que les gens vivent plus longtemps. Ah non, vous vous trompez. Les gens vivent plus longtemps parce qu'on s'est arrêté à 60 ans et 37 annuités et demie. C'est-à-dire que nous avons pris à l'époque une mesure de santé publique en prenant une mesure sociale de retraite. Parce que dans notre esprit, le progrès social est un aliment du progrès économique. Là-dessus, on ne se retrouvera pas parce que vous pensez que c'est seulement s'il y a du progrès économique qu'il peut y avoir du progrès social. Donc on veut ramener le sujet de la retraite à 60 ans. Nous y croyons, c'est l'œuvre historique de notre famille politique au sens large qui a été réalisée en 1980. Et sauf erreur, Madame la Présidente, vous en étiez d'accord à l'époque, ou en tout cas après coup, d'accord avec l'idée qu'on l'ait fait. Donc, nous en sommes tous au même point, nous pensons que 60 ans est un bon âge pour partir à la retraite, parce que les gens ne sont pas épuisés. Tout à l'heure, je vous ai rappelé l'histoire de 1910. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, une bonne partie des salariés ne voulaient pas entendre parler de cette cotisation obligatoire qu'on leur infligeait pour partir à la retraite, parce qu'ils disaient on paye la retraite pour les morts, parce que nous, on sera morts au moment où on aura droit d'aller, de partir à la retraite à 65 ans. Mais progressivement, c'est ce qu'on est en train de faire, à nouveau de rétablir la retraite pour les morts. C'est-à-dire que les gens vont partir à un âge, 63 ans, alors que l'âge d'espérance de vie moyenne, c'est 63 ans, virgule, schmoll, deux points ou je ne sais pas quoi. Bon, oui, eh bien ça signifie qu'on va créer la retraite pour les morts. Eh bien, ce n'est pas écoutable après que le pays ait fait tous les progrès qu'il a fait et qu'il ait accumulé autant de richesses. C'est 60 ans et pas un an de plus. Merci, monsieur. We'll be right back.

deux semaines plus, puis le débat se poursuivra en séance à partir du 17 février. On va voir le calendrier avec vous. Je disais bataille, et quelle bataille ! 22 000 amendements ont été déposés, 20 000 viennent des députés La France Insoumise. C'est du zadisme législatif, de la guérilla parlementaire, selon le co-rapporteur Olivier Véran. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, dit qu'elle n'est pas certaine que ça honore la démocratie. Fin de citation. Alors dites-nous, pourquoi commencer, qu'est-ce que vous essayez de faire? Quelle est votre stratégie avec ces milliers d'amendements? Eh bien, nous disons que nous faisons, en quelque sorte, nous entreprenons la grève du zèle parlementaire. C'est comme ça que nous avons explicité les choses, parce que, voyez-vous, le gouvernement nous donne effectivement des leçons de démocratie. J'ai entendu les prises de parole que vous avez évoquées, mais en réalité, la démocratie, voyez-vous, ce n'est pas vote une fois tous les cinq ans et ensuite reste chez toi et tais-toi. C'est pas comme ça que ça marche. Il se trouve que la grève, la contestation, la manifestation, elle fait partie intégrante de la démocratie. Et si on veut bien se rappeler un peu de l'histoire sociale de notre pays, par exemple, les Français qui nous écoutent et qui ont la chance de pouvoir bénéficier de congés payés doivent se rappeler que c'est notamment grâce à la grève qu'on les a obtenus. Mais surtout, quand il n'y a plus d'arguments sur le fond, les députés de La République En Marche font souvent appel à leur élection et au programme présidentiel pour justifier cette réforme des retraites qui, il faut le rappeler, est tout de même refusée par une majorité de Français. À l'heure où on se parle, il y a toujours une écrasante majorité de Français qui n'en veulent pas, à raison. Mais moi, je veux rappeler que le programme présidentiel est en contradiction avec ce qu'ils sont en train de faire. Dans le programme d'Emmanuel Macron... Il y a la réforme des retraites et l'ouverture d'un régime universel était dans le programme d'Emmanuel Macron. D'abord, première chose, je vous en parle dans un instant, mais l'universalité, il n'en reste plus grand-chose. Tout le monde a bien compris que l'universalité, c'était l'alibi. C'est sûr que si Emmanuel Macron s'était présenté devant les Français en disant en quelque sorte « Bon, je ne veux pas que nous consacrions une part plus importante de notre richesse aux retraites, donc vous allez travailler toujours plus longtemps », je pense qu'il y aurait plus de 61% des Français qui seraient opposés. Mais surtout, s'agissant du programme, ressortez-le. Je ne sais pas si vous avez des poubelles assez grandes pour l'avoir encore au fond de la poubelle ou dans vos archives personnelles, Léa Salamé. Mais en page 13 du programme d'Emmanuel Macron, c'était assez clair. En page 13, c'était écrit « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions ». Alors, les Français ont bien compris que l'âge légal de départ serait maintenu à 62 ans. Oui, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans, mais il ne vaudrait mieux pas. Parce qu'avec la décote que vous allez subir, car il y aura une baisse du niveau des pensions, il faudra travailler toujours plus longtemps. Donc non, ça n'est pas le respect du programme présidentiel non plus. Adrien Quatennens, vous êtes 17 députés La France Insoumise sur les 577 de l'Assemblée nationale. Vous avez donc déposé 20 000 amendements à vous tous seul. Tout le reste, ça, c'est 2 000. Vous, c'est 20 000. Vous avez déposé chacun le même amendement des dizaines et des dizaines de fois. Chaque amendement, vous demandez la suppression des alinéas, alinéa par alinéa. C'est quoi l'objectif? C'est de l'obstruction parlementaire de base? Non, je vous l'ai dit, c'est la grève du zèle parlementaire et le but, c'est de faire en sorte que tout ne se passe pas, voyez-vous, comme une promenade de santé. Enfin, on a le sentiment que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est complètement décorrélé, déconnecté de ce qui se passe dans le pays. Enfin, je vous l'ai dit, on a une majorité de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites, à raison. On a un mouvement social qui, et ce n'est pas une exagération de ma part, est historique du point de vue de son ampleur. 60 jours de grève, ça en fait le mouvement le plus long de toute l'histoire de la Ve République. Très bien, mais quel est l'intérêt de mettre 20 000 amendements? Vous allez travailler comme des fous pour voir vos amendements rejetés les uns après les autres. C'est quoi l'idée? C'est gagner du temps? Non, mais expliquez-moi juste quelle est la subtilité. Si on file votre raisonnement, en quelque sorte, on peut déjà mettre la clé sous la porte de l'Assemblée nationale. Mais par exemple, est-ce qu'on peut débattre sur le fond? Par exemple, Olivier Véran dit que vous avez même déposé des amendements sur des aspects qui sont clairement sociaux, comme le minimum retraite à 1 000 euros pour les agriculteurs ou les pensions pour les femmes divorcées. Ouais. Est-ce que c'était pas plus intéressant de débattre et d'essayer d'arracher des choses sociales qui vont dans le bon sens pour sur le fond que de faire de l'obstruction systématique? Non, parce que sur les retraites, le gouvernement est en train d'emmener les Français dans le désert et comptez pas sur moi pour soutenir le fait qu'ils soient dotés d'une petite gourde pour essayer de résister. C'est ça en quelque sorte qu'ils font. La logique pour nous, c'est toujours le retrait du texte. Et donc, par conséquent, nous importons cette logique à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'est pas question que cette réforme passe comme une lettre à la poste. D'ailleurs, je dois dire que très franchement, les députés de La République En Marche, en tout cas à l'ouverture de ces travaux, sont assez silencieux, quoi. On a l'impression que tout ça va passer, qu'ils attendent que le temps se passe. Je les ai trouvés beaucoup plus bavards, voyez-vous, par exemple, pour refuser l'extension du congé pour le deuil d'un enfant de 5 à 12 jours. Là, ils avaient de quoi dire, du style on va pas se payer de bons sentiments sur le deuil des entreprises. Là, ils étaient présents. En revanche, Gabriel Attal a reconnu une erreur sur la. Ça devrait vous intéresser parce que là, il nous joue le coup de l'erreur momentanée. Mais Léa Salamé, jusqu'à preuve du contraire, ça fait deux fois que cette disposition a été retoquée parce que avant l'erreur prétendue en hémicycle, le texte était passé en commission et en commission. commission, ils avaient aussi refusé l'extension de ce congé pour deuil d'enfant. Donc en quelque sorte, voyez-vous, dans son rôle de parlementaire, le député de La République En Marche, moi, me fait trop souvent l'effet d'un espèce de droïde qui, à la place du cerveau, un fichier Excel, et à la place du cœur, une calculatrice. Eh bien, ça n'est pas tenable, cette réforme des retraites, je vous le dis, parce que une fois qu'on a retiré tous les éléments de langage, toutes les histoires à dormir debout, sur une universalité qui n'en est pas une, le Conseil d'État l'a d'ailleurs dit, le 1 euro ouvrera les mêmes droits, tout ça, c'est du verbiage absolu. Quand on a retiré cela, qu'est-ce qui demeure? Quelle est la substance de ce projet de réforme des retraites? Il n'y en a qu'une seule, c'est travailler toujours plus longtemps. Et moi, je vous le dis, travailler plus longtemps, ça n'est pas le sens de l'histoire et ça n'est pas la seule solution pour financer les retraites. Le président du groupe Modem, Patrick Mignola, suggère de brandir un 49-3 de dissuasion qui permettrait d'abréger les débats et d'adopter le texte sans vote. Est-ce que votre stratégie ne risque pas de se retourner contre vous? Non, je ne le crois pas, mais voyez de quoi ils sont prêts. C'est-à-dire qu'il y a les LBD dans la rue et il y a les LBD parlementaires à l'Assemblée. Le 49-3, c'est un LBD parlementaire. Bien évidemment, mais attendez, pensez que... C'est pas pensez un peu excessif, que... là? Non, je crois pas. Ce qui est excessif, Léa Salamé, c'est sur une réforme qui est en contradiction avec le programme présidentiel, proposer à l'Assemblée nationale de voter un texte qui est doté de 29 trous. 29 trous qui vont être complétés par 29 ordonnances, c'est-à-dire précisément des endroits du texte essentiels comme le financement des retraites, dont on ne pourra pas discuter à l'Assemblée nationale. Et je dois dire aussi qu'après avoir pris l'ensemble des Français pour des idiots avec l'universalité et tout le reste, c'est le tour des parlementaires d'être pris pour des imbéciles. Vous savez que l'étude d'impact qui a été remise aux parlementaires, c'est une obligation du gouvernement, remettre l'étude d'impact avec le projet de loi. Cette étude d'impact a été truquée, faussée. C'est trop technique pour les détails, mais je m'explique simplement. Dans le projet de loi, il est clairement explicité que le fameux âge d'équilibre, ou âge pivot, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose, va se décaler génération après génération, poussant les Français à travailler toujours plus longtemps. Comme par magie, dans l'étude d'impact, cet âge d'équilibre a été gelé à 65 ans. Ce qui fait que tous les cas qui vous ont été présentés pour vous repérer ont été faussés et donnent l'impression que le système par points fait des gagnants. Vous savez, tout le monde comprend que si on calcule toute votre retraite sur la base de l'ensemble de votre carrière, alors qu'aujourd'hui c'est les 6 derniers mois pour les fonctionnaires ou les 25 meilleures années, vous allez être perdant. Un enfant de primaire le comprendrait. Vous lui dites, je ne sais pas si vous avez un neveu ou une nièce, vous lui dites, écoute, tu as fait un bon dernier trimestre, est-ce que tu préfères qu'on calcule ta moyenne en tenant compte particulièrement de ton année trimestre ou toute ta scolarité? Lui, je vous assure qu'il va savoir vous répondre. Adrien Quatennens, une dernière question sur les retraites avant d'y revenir avec les auditeurs. Ça fait deux mois que les Français descendent dans la rue contre cette réforme, mais dans les sondages, aucun groupe de l'opposition ne parvient à capitaliser sur ce rejet. Les Français en veulent à Emmanuel Macron et au gouvernement, mais ils ne viennent pas chez vous, ils ne vous soutiennent pas plus. Pourquoi et comment expliquer ce qui est peut-être pour vous un mystère? Bon, c'est le défi permanent, ça. Mais en réalité, l'enjeu du moment n'est pas celui-ci. L'enjeu du moment, c'est pas de récupérer tel ou tel mouvement social. Il y a un mouvement social d'ampleur qui est aussi esthétique, nouveau dans ses formes. Vous voyez ces flash mobs qu'on a vus notamment à la Gare de l'Est. D'ailleurs, Benjamin Griveaux a ensuite voulu la raser, comme c'est étonnant. Mais en quelque sorte, voyez-vous, ce mouvement est esthétique et montre de nouvelles formes dans la lutte. Et on voit des professions qui, très franchement, n'avaient pas l'habitude de se mobiliser. Regardez les avocats encore hier, c'est des démonstrations de force qui sont très impressionnantes. Et puis, nous faisons un travail sérieux qui gagnerait à être connu. L'autre jour, sur une antenne concurrente, le Premier ministre disait « Je suis prêt à entendre toutes les modalités pour le retour à l'équilibre financier de notre système de retraite. » Vous voyez, moi, j'ai ce document que j'ai remis en main propre à Édouard Philippe. C'est un contre-projet de la France Insoumise sur les retraites. C'est chiffré, c'est financé. Alors oui, il y a d'autres modalités que faire bosser les gens plus longtemps, surtout que faire travailler les Français plus longtemps, ça va simplement aggraver le chômage, ça n'est pas désirable du tout. Un mot sur le Brexit, Adrien Quatennens. Le Brexit a donc eu lieu vendredi dernier, le Royaume-Uni a bel et bien quitté l'Union Européenne. Jean-Luc Mélenchon s'en est réjoui sur Twitter, je cite le tweet. « Le Royaume-Uni, libéré de la tutelle de Bruxelles, renationalise le chemin de fer que les libéraux avaient mis en chaos. L'indépendance paye. » L'indépendance paye. Ça y est, le Royaume-Uni était sous tutelle et maintenant est indépendant et c'est une bonne chose. Mais vous n'allez quand même pas me faire croire que vous êtes étonné qu'un républicain se satisfasse du fait que la souveraineté populaire soit respectée, Léa Salamé. C'est juste ça, ce que nous disons. Parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça, ce que vous dites. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Brexit, on peut le déplorer ensemble depuis une chaise et pleurer à chaudes larmes de crocodile, mais en quelque sorte, le Brexit est un des symptômes d'une dislocation en cours de l'Union européenne. Il faut s'interroger réellement sur les causes de cette dislocation. Oui, aujourd'hui, partout où les peuples sont démocratiquement interrogés, ils rejettent l'Union européenne. Pourquoi ? Cette Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle a transformé le rêve de l'idéal européen. En quel moi et mes amis nous pourrions souscrire à la France insoumise? Au départ, c'était un idéal de coopération entre les peuples. Qu'en a-t-il résisté aujourd'hui quand on voit ce qu'est l'Union européenne? Des traités qui imposent une austérité budgétaire, qui nous mettent à la en retard sur tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés, notamment le changement climatique. Donc oui, quand la souveraineté populaire s'exprime, elle doit pouvoir être respectée. Mais Adrien Quatennens, si le Brexit est une libération, si Bruxelles est une tutelle, si sortir de l'UE est le retour à l'indépendance, vous défendez le Frexit. Mais je vais vous dire pourquoi non. Moi, je ne défends pas le Frexit parce que je considère que le Frexit, c'est finalement faire le pari de la faiblesse de la France. Moi, je crois que la France est une grande puissance et qu'à l'échelle de l'Union européenne, sa parole pourrait être entendue. Le problème, c'est que depuis des années, la France se conduit en quelque sorte en larbin de l'Union européenne et de cette union des traités. Si la France avait une parole forte qui consistait à dire à l'ensemble de ses partenaires « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous allons dans le mur, tout le monde le voit » et le Brexit en étant des symptômes, alors nous aurions la place pour faire autre chose. Ensuite, oui, si autre chose n'était pas possible, la question se poserait. Mais l'acte 1 ne peut pas être d'en appeler à la sortie. Il faut d'abord assumer une forme de rapport de force. C'est de féliciter le Royaume-Uni pour son indépendance. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la phrase et dire félicitons-nous bientôt de l'indépendance Alors, de la France? Je sais que je n'ai pas été clair dans mon explication. Je vais m'y réemployer. Je vous redis les choses. Aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, l'Union européenne fonctionne, et je le regrette, comme une camisole de force qui nous met à la bourre sur tous les défis que nous avons à relever, au premier duquel le changement climatique. Car je mets au défi quiconque de me faire la démonstration qu'avec des traités qui imposent 3% de déficit, on peut investir comme il le faudrait pour faire la transition énergétique, la transition agricole et tout le reste, dans lesquels il faut investir massivement. Une fois que j'ai dit ça, elle fonctionne comme une camisole si de force. Si vous n'arrivez pas à la changer. Mais il faut d'abord, en tout cas, se doter. Mais il faut que la France pèse de tout son poids et porte une autre parole que le suivisme auquel nous a habitué Emmanuel Macron. Et ensuite, effectivement, si ça n'est pas possible, on revient devant les Français et on dit « Regardez, nous avons essayé la négociation, nous avons essayé de faire entendre raison, ça ne marche pas. » Et donc, dans ces cas-là, peut-être, effectivement, il faudrait envisager de faire autre chose avec donc, des partenaires qui pourraient le faire. Pourquoi pas évidemment. Un référendum ? Mais vous savez, c'est pas l'heure de la campagne présidentielle, quoique, si on en croit le paysage, mais vous savez, pour nous, c'était clair, c'était de dire « Il y a une négociation qui s'instaure et les fruits de cette négociation sont soumis à référendum des Français. » En tout cas, on ne peut pas rester avec le statu quo. L'Union européenne est en train de se disloquer de la faute même de celles et ceux qui le déplorent. Ils en sont les responsables. Quand des traités européens sont refusés démocratiquement, comme le traité en 2005 qui a été refusé par une majorité de Français, les Français disent non, on applique le oui. Comment voulez-vous ensuite que quand les peuples sont démocratiquement interrogés, ils soient enthousiastes? Cette Union européenne nous emmène dans le mur et elle est très loin de l'idéal européen de coopération entre les peuples. Voilà le sens de ce que nous disons sur le sujet. Allez, on file au standard de France Inter. Je donne la parole, avec plaisir, à Karim qui nous appelle de Marseille, je crois. C'est ça, bonjour. Bonjour, on vous écoute, Karim. Bonjour tout le monde, merci de prendre mon appel. J'appelle juste pour un petit constat, en fait. Malheureusement, en écoutant M. Quatennens, j'ai l'impression que c'est tout le pays qui est contre cette réforme. Alors que malheureusement, à compter au maximum, en comptant large, ils sont 200 000 à bloquer le pays le week-end. Moi, je suis travailleur indépendant, ça me bloque tous les week-ends, ça me fait perdre beaucoup de chiffres d'affaires. Et j'aimerais bien savoir à quel moment on va essayer d'avancer dans le pays, correctement, pour faire en sorte que ça aille dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, cette réforme va dans mon sens. Je sais très bien qu'en la retraite, je gagnerai plus avec la réforme. Mais malheureusement, je conçois qu'il y en a certains qui sont perdants. Mais il faut au bout d'un moment trouver des solutions. C'est pas en donnant 19 000 amendements qu'on va avancer. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et qu'on avance correctement, main dans la main. Je trouve qu'à 200 000 personnes, par rapport aux 67 millions de Français qu'on est, c'est pas tant que ça, en fait. Merci Karim pour cette intervention. Adrien Quatennens vous répond. Oui, bonjour, bonjour Karim. Bon, d'abord, vous dire une chose, vous dites 200 000 Français. Bon, moi, je vais pas me lancer dans un concours de chiffres avec vous sur la participation aux manifestations et aux grèves, mais admettez tout de même que les enquêtes d'opinion nous indiquent qu'une stricte majorité, malgré 60 jours de grève, de Français sont opposés à cette réforme. Première chose, et la deuxième, je l'ai explicité juste avant, c'est que cette réforme est en contradiction mot pour mot avec le projet présidentiel qui disait qu'on ne toucherait pas à l'âge de départ et au niveau des pensions ce qu'ils vont faire. Il dit, lui, comme indépendant, Alors, j'y viens. Moi, je pense que vous n'y avez pas intérêt. D'abord parce que, bon, si vous êtes fié à l'étude d'impact truquée du gouvernement pour trouver que vous étiez gagnant, eh bien, sans doute, vous devriez refaire les calculs, on pourrait vous y aider. Mais en tout cas, vous dire une chose. Pour l'essentiel, une écrasante majorité de Français vont être les grands perdants de cette réforme. Puisque le but d'Emmanuel Macron, c'est de contracter la part des richesses consacrées aux retraites, alors qu'on sait que la part des seniors dans le pays va être plus nombreuse. Donc c'est l'annonce programmée de la baisse généralisée du niveau des pensions. Le pari d'Emmanuel Macron, Karim, c'est celui de la jalousie des Français entre eux, et le pari que cette jalousie, elle serait supérieure à l'aspiration générale à de bons niveaux de retraite. Mais ensuite, je vais vous dire une chose. Non, mais votre situation aussi, sur le plan de la méthode, votre situation pas faire autrement, votre se situation mettre autour d'une table. Mais voilà, bien sûr, aussi, mais, hein, le voyez-vous, le fond de la question. Les 19 000 amendements par ailleurs permettent tout à fait et sont pour beaucoup d'entre eux des amendements de fond qui permettent de discuter, de débattre du fond. Et moi d'ailleurs, je renouvelle mon appel aux députés de La République En Marche à votre micro ce matin. Je souhaiterais que la commission ressemble à un débat et pas simplement à chacun campe sur son camp. On doit avoir des débats intéressants. Je termine, Karim, en vous disant que il est encore là, il vous écoute. Sur votre situation particulière de travailleur indépendant, moi je ne veux pas m'égoter, je sais que la grève c'est difficile pour plein de gens, on a beaucoup parlé des commerçants, etc. Mais je vous dis, vous Karim, comme travailleur indépendant, ou tous les commerçants qui ont subi les effets de la grève, vous avez vous aussi intérêt, comme futur retraité, à ce que cette réforme ne passe pas, mais même comme travailleur, à ce que les Français qui sont vos clients et les retraités ne soient pas précarisés. Si le niveau des retraites dans ce pays chute, vous allez dans votre activité y être pénalisé. Encore un mot, Karim, vous êtes toujours là, on me dit. Je suis toujours là. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis entièrement d'accord sur le fond que tout le monde peut y gagner, mais c'est pas en bloquant tout le pays et l'économie complète qu'on va y arriver. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui essaye de faire quelque chose, il y a tout le monde qui est dans la rue et automatiquement, ça fait 40 ans qu'on repousse des réformes. Au bout d'un moment, on sera obligé de faire des réformes parce qu'en fait, on est 67 millions et bientôt, il y aura plus de retraités que d'actifs. Sur le constat en lui-même, tout le monde est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est pas en empêchant les gens de travailler qu'on va y arriver. Merci juste, Karim. Encore un mot, Adrien Quatennens, puis on avance dans... La grève est un des éléments du rapport de force, mais voyez-vous, par exemple, quand vous dites qu'on a un souci sur l'équilibre entre actifs et retraités, bon, je vois que quelque part, vous avez été vous aussi atteint par les éléments de langage du gouvernement. Mais Karim, il y a une chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'un actif français aujourd'hui produit 3 fois plus qu'un actif français en 1970. Donc il y a eu des gains de productivité incroyables. Donc il n'y a rien d'inéluctable au fait qu'il faille travailler plus longtemps pour financer les retraites. Il s'agit, au contraire, de mieux partager les fruits de la richesse produite. Depuis Grenoble, c'est Gilbert qui nous appelle. Bienvenue à l'antenne d'Inter. Oui, bonjour. Bonjour. Si la France insoumise gagne un jour la présidentielle et les législatives, ce ne sera pas avec 100% des suffrages, mais plus probablement 52-55% des votes. Donc plus de 45% des électeurs n'auront pas voté pour la France insoumise. Les 22 000 amendements déposés sont évidemment de l'obstruction envers un gouvernement issu des urnes. La France insoumise accepte-t-elle le principe de réciprocité? Acceptez-vous l'idée que ceux qui n'auront pas voté pour vous, votre opposition, vous empêchent de mettre en œuvre votre programme? Merci Gilbert pour cette question, Adrien Quatennens. Bon, bonjour Gilbert, bon, vous avez peut-être manqué le début de l'interview parce que vous aussi vous faites appel au programme présidentiel pour justifier de cette réforme. Donc je vais être clair, Gilbert, dans le programme d'Emmanuel Macron, il est écrit précisément « on ne touchera pas au niveau des pensions ni à l'âge de départ ». Supporter que cette réforme va faire les deux. Elle va toucher de manière effective à l'âge de départ en poussant les Français à travailler toujours plus longtemps et elle va baisser le niveau des pensions, tout le monde le comprend. Si on compare les deux systèmes, l'actuel et celui que veut mettre en place Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas pour le statu quo. Hein. Je considère que dans le système actuel, les gens partent déjà trop tard et trop pauvres. Mais vous si voulez vous comparez... revenir à la retraite à 60 ans. J'y viens, mais si vous comparez les deux systèmes, dans le système de M. Macron, il faut travailler plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension. C'est donc en contradiction avec les engagements présidentiels. Ensuite, vous avez raison de dire que la démocratie doit se poursuivre. Emmanuel Macron a été élu. Je ne vais pas me lancer dans une grande litanie sur les conditions particulières de son élection, mais supporter que son élection ne mette pas fin au débat démocratique. La démocratie, ce n'est pas qui a raison, qui a tort. On comprend des opinions. Et des points de vue. Je voudrais vous poser, elle vient par l'application de France Inter, la question de Guilhem, parce qu'il y en a énormément sur ce même thème. Voilà ce qu'il vous demande. Est-ce que la France insoumise réalise que leur action choc, entre guillemets, à l'Assemblée va totalement écœurer le peu de gens qui votent encore. Mais moi, sauf à faire une erreur diagnostique immense, mais je crois qu'on devrait s'honorer d'avoir des parlementaires qui font leur travail et qui le font sérieusement. Voilà, encore une fois, je vous le dis, je tiens à la disposition de qui le veut, un contre-projet qui est chiffré. Je veux dire, on peut être en désaccord avec nous, mais on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas faire un travail sérieux. Voyez-vous, par exemple, nous proposons le retour à la retraite à 60 ans parce que l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans, qu'aucune pension ne soit inférieure au SMIC pour une carrière complète, et que personne dans ce pays ne vive sous le seuil de pauvreté, en dessous duquel on survit plus qu'on ne vit. Et tout ça est finançable sans faire la révolution. Il faut 2 points de PIB de plus d'ici à 2040. Par la hausse des salaires et des cotisations, on peut financer cela. Et il ne faut pas travailler plus longtemps, ça n'est pas souhaitable. Adrien Quatennens, un autre sujet. Êtes-vous mis là ? Moi, je ne vais pas vous répondre avec le hashtag. Je vais vous faire une réponse un peu plus élaborée, si vous le supportez. Que s'est-il passé dans cette affaire ? Cette jeune fille a, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux, de façon grossière, vulgaire, ça a été vu par tout le monde, critiquer une religion. Et depuis, elle est menacée de mort, menacée de viol. Et moi, j'adjure que l'État la protège et que sa sécurité soit garantie. Et j'alerte sur le fait que des personnalités qui prennent la parole sur ce sujet, voire même des responsables politiques, me font le sentiment d'avoir complètement perdu leur boussole. Qui, par exemple ? Bah, écoutez, j'ai entendu Madame Royal, par exemple, hier. Moi, je vais vous rappeler une chose quand même, quelques principes élémentaires. Il y a une liberté qui est absolue en France, qui est la liberté de conscience. Puis il y a une liberté qui, elle, est bornée, c'est la liberté d'expression. Et ces bornes, ce sont la loi. Et rien que la loi. Pas les injonctions à la censure sur les réseaux sociaux et tout le reste. La loi, elle interdit, par exemple, l'apologie du crime. La loi interdit l'appel à la haine. Par contre, la loi autorise la critique, la satire, etc. Donc, si vous voulez, il faut bien distinguer les deux. Et je regrette en la matière. On a le droit d'être choqué par les propos de cette jeune fille. Moi, je comprends tout à fait que des gens soient choqués. Mais on a le droit de critiquer une religion de la même manière qu'on a le droit de critiquer sa critique d'une religion. Et il n'est pas supportable que cette jeune fille soit empêchée de retourner à l'école pour cela. Et je termine en disant qu'on a eu beaucoup de coups de canif mis dans la laïcité. Il y a des boussoles qui ont été perdues. Quand le président de la République en visite officielle se retrouve avec un accoutrement religieux, quand M. Blanquer, comme ministre, se sent autorisé à donner son point de vue sur le port du voile dans l'espace public, on est en quelque sorte complètement à rebours de ce qu'est vraiment la laïcité. Adrien Quatennens, en France. Vit-on en France dans un régime autoritaire ? Mais je pense que ça a le mérite d'être clair et vous avez bien pesé vos mots, c'est exactement ça. Je ne dirais pas autre chose que ce que vous venez de dire, à savoir qu'encore une fois, quand vous avez toutes les formes traditionnelles de contestation démocratique, la manifestation, la grève ou même parfois l'opposition parlementaire qui sont insupportées, quand vous avez une répression qui s'abat sur un mouvement social historique comme elle s'est abattue sur les Gilets jaunes, oui, nous avons affaire à un glissement autoritaire. Tout à fait. Quand on regarde la définition admise en sciences politiques d'un régime autoritaire, c'est un régime caractérisé par le refus de tolérer l'expression publique de désaccords politiques importants dans un régime autoritaire. Soit l'opposition est interdite, soit les opposants sont menacés ou éliminés, soit ils sont surveillés, limités dans leurs faits et gestes et réprimés. Considérant cette définition, sommes-nous dans un régime autoritaire ? Mais moi je vous dis que oui, et si vous n'en êtes pas d'accord, allez l'expliquer à ces centaines de blessés dans les manifestations des Gilets jaunes et des mouvements sociaux. Allez l'expliquer à tous ces syndicalistes qui n'avaient rien à y faire, qui se sont retrouvés humiliés dans les geôles en garde à vue. Allez l'expliquer à tous ceux qui n'avaient rien à faire devant la justice, qui ont en quelque sorte mais été... Mais l'opposition est interdite en France ? En tout cas, elle est menacée. Vous l'avez cité, elle est menacée, l'opposition, oui. Et on a un pouvoir qui méprise les oppositions. Vous savez, je vais vous dire une aujourd'hui, chose... Aujourd'hui, vous vous sentez, vous, menacé aujourd'hui en France ? Ah mais vous, je, député, vous vous sentez menacé ? Je ne me sens absolument pas considéré. J'ai un pouvoir qui c'est me dit... Ah, chose, c'est pas la même chose. Hein. Attendez, j'ai un... C'est pas la même chose. Oui, mais... Pas considéré, c'est une chose. Mais en quelque sorte, mais oui, menacé... ma fonction en quelque sorte est réduite à néant et est menacée dans sa capacité d'opposition. Quand j'ai un Premier ministre qui me dit à la radio, je suis prêt à entendre toutes les modalités pour le retour à l'équilibre financier du système de retraite, mais qui n'entend qu'une seule, faire bosser les Français plus longtemps, alors que ça contrevient à leurs propres engagements. Ça, c'est un régime autoritaire. Mais vous savez, attendez, Emmanuel Macron a défini en ses propres termes la dictature. Il dit, c'est quand un clan ou une personne décide de tout toute seule. Très franchement, il est en train de glisser vers ça. Ça, c'est sa définition à lui. Bah mais oui. nous, on allait chercher dans les précis de sciences politiques. Bien et sûr. Par exemple, les régimes classés autoritaires, c'est le Portugal de Salazar, c'est l'Espagne oui, de Franco, bon. C'est la Libye de Kadhafi, c'est on le Zimbabwe. Encore eu le Venezuela, tiens, ce matin. Non, je ne voulais pas citer. Non, mais c'est eux qui sont classés. Non. Est-ce que vous Écoutez, avez l'impression que notre situation... Je vais vous dire une chose. Non, parce que les mots ont un sens, oui, c'est juste ça. Oui, mais alors, je pense que ça pourrait nous mettre d'accord. Il ne s'agit pas de folkloriser notre position, Léa Salamé. Je crois, effectivement, que partout dans le monde d'ailleurs, le néolibéralisme, le libéralisme qui devrait normalement défendre les libertés, est devenu sa principale menace en quelque sorte, et que le pendant du libéralisme économique qui arrive à bout de souffle, eh bien c'est effectivement un glissement autoritaire par la force de la plupart des gouvernements qui s'y emploient. Adrien Quatennens, merci d'avoir merci été à notre micro ce matin. Député à la France Insoumise du Nord, coordinateur de votre parti, membre de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée nationale. Et ben, bon boulot, il y a du travail. Il y en a encore 19 000. Leur chantait des tas de chansons, d'Yes Iré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des trics. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom. à porter ma vie sur mon dos. J'ai déjà mis 60 berges sans être un saint ni un salaud. Je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de scotch et un jean, fils. Et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con. Ou bien insectes partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis après, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, dans une France socialiste. Je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterai la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Ouais. Alors, je vous ai dit que j'aimais la fiction, voyons ça. L'État, avec votre système, voit sa quote-part réelle, après la quote-part fictive, ce sera autre chose, de 57 points. Supposons qu'il y ait déjà un monsieur BlackRock dans la haute administration de l'État, à Bercy par exemple, soit celui qui a écrit ça, soit quelqu'un qui s'apprêterait à aller chez BlackRock, ou quelqu'un qui a déjà été chez BlackRock et revenu dans la fonction publique et donne des conseils. Alors qu'est-ce qu'il dirait, le monsieur BlackRock? Il dirait, ben, écoutez, vous autres, l'État, eh ben, baissez, vous donniez 57, ne donnez que 54. Parce que si vous donnez que 54, ça va perturber, ou 50, ou 40, ça va perturber l'équilibre financier global, et comme le système que vous avez inventé est universel, c'est donc par rapport à la masse globale que ça va se calculer. Génial, on sera donc obligé de prendre une mesure d'âge ou une mesure de valeur de points pour punir, en plus en jetant des pierres aux fonctionnaires, ce qui est toujours très bien vu d'un blackrockiste. Ou deuxième possibilité, idée encore meilleure, là je vous demande de la noter, les hauts fonctionnaires qui m'écoutent et qui vont changer de cabane bientôt, parce qu'elle est bien bonne. Vous n'avez qu'à dire, je supprime une dépense réelle, celle que devait faire l'État, et je vous la remplace par un crédit d'impôt, merci, comme je l'ai prévu à l'article 65 de la loi PAC pour tout le monde. Merci, et aussitôt, ça sera une perte de recettes. Pas vous, rapporteur, vous êtes innocent, bien sûr, mais ceux qui ont décidé tout ça, eux, ils savent très bien où ils vont. Et c'est qu'en libérant la partie de la contribution de l'État d'un caractère obligatoire qu'elle a, elle le rende aléatoire. Vous l'avez dit vous-même, le principe du vote du budget étant annuel, personne ne peut prendre d'engagement sur ce qui va se passer dans 15 ans. Donc je vous donne un scénario blackrockiste. Vous sortez, vous diminuez la cotisation que doit l'État pour ses fonctionnaires, et vous proposez à ses fonctionnaires de souscrire à un fonds d'assurance privé pour leur retraite, donc gagés sur leurs impôts, exactement comme vous l'avez fait pour les revenus supérieurs. Si bien que vous enlevez d'une ligne une dette de l'État pour la transformer de l'autre côté en baissant vos recettes, ce qui fait que ça ne se voit pas. Et quand ça se voit trop, on dit ben faut diminuer la fonction publique, faut diminuer le nombre de fonctionnaires, faut diminuer les équipements publics, et ainsi va la petite machine des libéraux. D'abord on sabote, on détruit, et après on demande pour réparer de saboter encore. Puis, M. Mélenchon, sur BlackRock, je crois qu'on l'a déjà évoqué, donc je n'y reviendrai pas, donc défavorable. Oui. Non, on n'a pas assez parlé de BlackRock. Non, pas du tout, parce que c'est BlackRock qui est là, qui est dans tous ces articles. Monsieur le rapporteur, oui. Bah, écoutez, on a le droit, c'est une thèse politique. Nous relions les événements de l'instant à leur contexte général. Dans le monde entier, dans toute l'Union européenne, on a cherché à faire passer la masse des retraites qui étaient auparavant résultées des mécanismes de solidarité à les faire passer dans la sphère marchande. Donc nous repérons tous les mécanismes qui rendent ça possible. Collègues, moi je ne m'arrêterai pas à un gouvernement, je m'en fous. Déjà, celui-là est assez chargé. Mais je sais aussi comment ceux du passé ne voulaient pas qu'on leur dise qu'ils allaient, en détruisant le statut des PTT, détruire le statut des fonctionnaires qui étaient là. Ils ne voulaient pas qu'on parle, pour toutes les branches qu'ils ont comme ça désarticulées, bah là, c'est pareil. Il s'agit de faire passer 300 milliards dans le secteur marchand. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il suffit que l'État, une seule année, décide par exemple de réduire de 7 milliards la contribution de 42 milliards qu'il doit. Et à ce moment-là, M. BlackRock se frottera les mains parce qu'on lui dira « Ceux qui cotisent directement chez vous, on le retirera de leur impôt. » Alors on dira aux fonctionnaires « Mais vous voyez bien, vous y trouvez votre compte. Et en plus, quand vous toucherez votre pension, cette partie sera exonérée à 70% de l'impôt sur le revenu. » Ne nous dites pas que c'est pas vrai. C'est ce que vous avez déjà fait. Et je termine en un mot. Mais oui. Et à ce moment-là, le gars qui sera à Bercy, il dira « Ben, il est bien gentil, BlackRock, mais qui c'est qui met l'équilibre dans les finances ? Ici, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a à faire ?» Eh ben, il lui suffit d'augmenter d'un point la TVA et il ramasse les 7,5 milliards dont je viens de vous parler. C'est-à-dire 20% d'économie sur une dépense de l'État. Et vous savez que la TVA, c'est le rêve des libéraux en matière d'impôts. Ouais, BlackRock ou or not BlackRock. Bon, alors, si on a bien compris, il faut pas tout mélanger. Mais vous mélangez tellement tout que vous n'avez pas pu vous empêcher de faire un article 65 dans le chapitre 2. Je lis. Les organismes de retraite professionnelle supplémentaires constituent dans ce cadre complété des véhicules spécifiquement conçus, adaptés pour porter des engagements de retraite et pour financer l'économie sur le long terme. Vous appelez le secteur de l'assurance à se mobiliser afin que les recours à ces véhicules se généralisent et que l'économie française puisse ainsi bénéficier pleinement. Et vous faites référence à la loi Pacte. La portabilité des droits acquis sur les différents produits, l'assouplissement des modalités de sortie en rente ou capital, etc., etc. Autrement dit, que vient faire cet article qui est un hommage, vous ne citez pas le mot capitalisation, mais c'est ça, à la retraite par capitalisation, si votre objectif n'était pas en fait d'en faire un des pivots du futur système de retraite française. Vous le dites vous-même, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'écrire. Pour revenir sur la remarque de mon collègue Éric Coquerel à laquelle vous avez répondu, vous nous confirmez que l'article 65... va être supprimé par un amendement que vous avez déposé. Et précisément, c'était le dernier article de la loi. Et ce dernier article nous demandait de ratifier des ordonnances suivantes. Une ordonnance relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Une autre relative au régime professionnel de retraite supplémentaire. Une autre portant réforme de l'épargne retraite, c'est-à-dire la loi Pacte. Et voilà donc des ordonnances qui sont tout à fait dans la logique de ce que nous vous disons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire une logique qui vise à donner toujours plus au privé et à favoriser la capitalisation. Donc c'est assez signifiant de voir que peut-être que ça faisait mauvais genre d'avoir, pour finir l'ensemble de cette loi, en tout cas c'était très symbolique, de terminer sur cet article 65 qui valorise des ordonnances qui vont vers une logique de privatisation. Merci madame. Le 63-79, monsieur Mélenchon. Oui, il s'agit là de passer par-dessus bord les régimes spéciaux. Il y a deux conditions pour passer à la privatisation, deux conditions initiales. Premièrement, supprimer les régimes spéciaux parce qu'ils procèdent fondamentalement de la logique de répartition, mais c'est les plus durs à supprimer parce que les gens les défendent bec et ongle. Alors vous faites ça. Et la deuxième, c'est des points pour pouvoir les acheter un par un. Et c'est comme ça que se met en place le système par capitalisation dans une loi à venir, mais dont toutes les conditions sont préparées. On vient de rappeler à l'instant qu'à l'article 65, vous passez par-dessus bord tout ce qui était les mécanismes de surveillance des agences privées. Alors, bon, le collègue tout à l'heure dit « Ah là là, mais ça n'a pas de rapport ». Ben si, ça en a un. Ça n'a pas de rapport, disait-il, que l'on parle de BlackRock avant que lui-même se mette à en parler beaucoup. Mais bien sûr, parce que BlackRock est le géant qui guette à nos portes. Et une de vos collègues a même dit qu'on était une boîte de Smarties à côté de la puissance de BlackRock. Alors Smarties, elle exagère de ne pas croire davantage que ça à la puissance de sa patrie. Mais attendez, j'ai pas... Ah si, j'ai fait une minute. La suite dans un instant. Je vous ai dit que pour que le système par capitalisation fonctionne, il faut qu'il y ait la suppression des régimes spéciaux ou leur passage en régime à points, ce que vous appelez passer de régime spécial à régime spécifique. Vous pouvez toujours les députer et dire que le problème n'est pas posé et ne pas voir l'avenir, ne pas voir le monde réel dans lequel on vit. Un monde dans lequel la circulation de l'argent représente 115 fois les échanges matériels réels, où la capitalisation boursière est de 65 000 milliards d'euros, c'est-à-dire une somme supérieure à ce que c'était en 2008. Alors, si vous ne faites pas le travail, BlackRock, il fait le sien. Et ce n'est pas un complot, c'est sa nature. C'est une boîte qui fait 7 000 milliards de dollars d'actifs. Alors, ça l'intéresse, 300 milliards de plus dans le paysage. En France, il siège à AXA, Sanofi, Société Générale, Vinci, Total, BNP Paribas, Vivendi. Ils sont dirigés par un homme qui connaît la maison d'un bout à l'autre, monsieur Jean-François Cirelli, qui lui aussi ne fait que son travail, mais c'est un haut fonctionnaire. Il y a un instant, vous m'avez critiqué parce que je mentionnais les hauts fonctionnaires qui changeaient de camp. Celui-là, il a changé de camp, il est devenu patron de GDF qu'il a vendu à Suez. À présent, il dit très tranquillement, une note à l'attention du gouvernement français, que la loi Pacte était un élément majeur pour l'avenir de l'épargne retraite en France. Par conséquent, dire qu'il y a une volonté de capitalisation, ça n'est pas soupçonné BlackRock de complot, parce que lui, il fait son boulot. Par contre, c'est ceux qui préparent tout pour que ça lui tombe sur les genoux, qui eux, par contre, deviennent très suspects dans cette discussion, surtout quand ils ne veulent pas l'admettre. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, d'oiseaux errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Elle est morte le matin, en était différent. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous ». Bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma bélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Bonsoir. Audition publique, c'est le rendez-vous chaque lundi soir en direct sur le plateau de LCP Public Sénat et Le Figaro. Une heure de débat et de confrontation. Après-demain, la commission spéciale sur les retraites à l'Assemblée nationale achèvera ses travaux. Mais des milliers d'amendements n'auront pas eu le temps d'être débattus. La France insoumise en a déposé à elle seule 19 000. Et cette réforme intervient de surcroît dans un contexte d'élection municipale. Est-ce un risque pour le gouvernement ? On va parler de tout ça avec notre invité aujourd'hui qui est Adrien Quatennens. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, autrement dit numéro 2 du parti de Jean-Luc Mélenchon. On va retrouver dans quelques instants mes consoeurs des chaînes parlementaires, puis une députée et un sénateur qui viendront débattre avec vous, et puis Yves Tréhard du Figaro qui viendra vous poser ses questions tout à l'heure, en fin d'émission. Parfait. Sans oublier bon les questions des téléspectateurs là, qu'on peut avoir via le hashtag audition publique ou sur lefigaro.fr. Moi, je vais vous poser une première question, la dernière minute, si on peut dire. Le Parti socialiste vient de demander une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact du gouvernement concernant la réforme des retraites. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Évidemment. Tous les leviers parlementaires utiles pour, quelque part, éclairer l'intention du gouvernement méritent d'être utilisés, de la même manière que la motion de censure que nous avions proposée, nous l'avons reposée sur la table parce que les socialistes et les communistes disaient peut-être qu'il faut attendre qu'on entre dans le débat. Je pense que précisément le cas de l'étude d'impact est significatif. Vous voyez, je voulais rapporter quand même pour que les téléspectateurs se rendent compte de quoi on parle. On parle d'un document de 1000 pages qui a été remis aux parlementaires, qu'il a fallu étudier en 4 jours et qui est un document truqué. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir avec cette commission parlementaire ? Vous dites que c'est truqué, ça vous dit depuis le début. Vous voulez savoir quoi ? Qu'est-ce que d'après vous cette commission parlementaire apportera de plus ? D'abord, nous avons une loi qui est une loi à trous. 29 ordonnances vont être programmées pour compléter ces trous. Mais surtout, cette étude d'impact, qui est une obligation de la Constitution de remettre une étude d'impact aux parlementaires, a en effet été truquée. Et d'ailleurs, à travers cette étude d'impact, je dois le dire, c'est l'ensemble des cas types qui ont été présentés aux Français, mais même aux journalistes, pour se repérer, qui ont été biaisés. Je m'explique en un instant, parce que c'est trop technique sinon, mais juste un exemple. Dans la loi, dans le projet de loi qu'établit le gouvernement, il y a à l'article 10 une précision sur, vous savez, le fameux âge pivot ou âge d'équilibre. C'est la même chose en réalité. C'est l'âge qui va se décaler génération après génération, qu'il faudra atteindre pour bénéficier d'une pension à taux plein. Et dans le projet de loi, on explique bien que cet âge, génération après génération, va se décaler. Et dans ce document, qui est plus une publicité mensongère qu'une véritable étude d'impact, on a tous les cas types qui ont été gelés au niveau de l'âge d'équilibre à 65 ans. Résultat, ça favorise le système à points, alors que, il faut saluer d'ailleurs le collectif Nos Retraites qui a redressé les chiffres. Si on applique véritablement à ces cas types le projet de loi lui-même, eh bien, on n'a pas le même nombre de gagnants et c'est tout l'inverse. On voit qu'il y a une majorité de perdants. Donc, si vous voulez. En plus, l'âge peut changer. Mais le pire dans l'affaire, c'est ça. C'est que le gouvernement, Francis Le Tellier, n'assume pas en réalité. Emmanuel Macron pourrait assumer ses choix, mais il ne les assume même pas. Et donc, il biaise, il truque. Sur la démarche d'une commission d'enquête parlementaire, vous pensez que ça va faire avancer le schmilblick, que ça va permettre d'en savoir plus ? Mais enfin, c'est essentiel que nous puissions faire toute la lumière sur cette information. Nous avons quand même. C'est-à-dire que vous voulez savoir qui l'a faite. Nous voulons et dans savoir. Conditions. Nous voulons savoir si oui ou non notre information, selon laquelle cette étude d'impact est biaisée, truquée, qui nous paraît essentielle, puisque c'est sur la base de ce texte imbitable que nous avons à faire la discussion parlementaire. Nous voulons donc savoir si nous avions raison de soulever ce trucage, et c'est une occasion de le faire. Mais moi, je le dis, la motion de censure est nécessaire, car après avoir pris l'ensemble des Français pour des idiots avec des éléments de langage à dormir debout, c'est maintenant le tour des parlementaires. Vous comprendrez donc que la motion de censure nous paraît tout à fait adaptée. Il est l'heure maintenant d'accueillir mes consoeurs des chaînes parlementaires dans Audition publique. De Public Sénat, bonsoir. Bonsoir, Brigitte Francis. Boucher de LCP, bonsoir. Et vous commencez, Brigitte. Bonsoir, Adrien Quatennens. Il reste à peu près 15 000 amendements à examiner sur le projet de loi retraite. En commission, le texte ne sera vraisemblablement pas adopté. Et du coup, c'est la version initiale du projet de loi qui reviendra dans l'hémicycle à partir du 17 février. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas un peu pris à votre propre piège ? Non, pas du tout. Le problème, c'est que le gouvernement est non seulement obstiné, mais veut travailler vite en plus ça sur un sujet aussi essentiel. C'est le gouvernement qui impose des délais extrêmement contraints. Nous, on a regardé pour qu'on puisse étudier l'ensemble du texte et les amendements que nous avons déposés au rythme auquel nous allons. Et donc, on le savait depuis le début de la commission. Il faudra aller jusqu'au mois d'avril. Moi, j'y suis disposé. Parce mais que le gouvernement. Vous avez de l'obstruction que vous non, mais revendiquez. Attendez. L'obstruction et le blocage. Et le fait du gouvernement. Nous faisons la grève du zèle parlementaire. Si on peut juste s'arrêter un instant sur ce cas, nous sommes en présence d'un projet de loi qui, Premier argument, et il est important parce que c'est un argument d'autorité qui est souvent utilisé par les députés de La République En Marche. Ce projet de loi est en contradiction avec le projet présidentiel. Je veux le dire parce que c'est l'argument qui revient. Quand on n'a plus d'arguments sur le fond chez Emmanuel Macron, on dit « Oui, mais nous avons été élus sur un projet. Très bien, ressortons-le, le projet d'Emmanuel Macron. » Le projet d'Emmanuel Macron sur les retraites était clair. Dans le programme présidentiel, c'est écrit « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. » Attendez, je termine. Ce projet de loi... C'est le texte original qui va revenir. Il ne touche pas à l'âge légal de départ en retraite. Et il ne touche pas aux pensions, puisque les pensions sont préservées, c'est écrit. Emmanuel Macron ne parlait pas de l'âge légal de départ. Il disait « Nous ne toucherons pas à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. » Je m'arrête un instant, c'est important. Le projet de loi fait les deux. Quand on nous dit qu'il n'y aura pas de baisse des pensions, c'est un mensonge. Pourquoi ? Si on compare le système actuel, et moi je ne suis pas défenseur du statu quo, on en parlera après, moi je considère que dans le système actuel, qui a subi beaucoup de coups de canif, les gens partent déjà trop tard et trop pauvres. Mais si on compare le système actuel et le système que M. Macron veut mettre en place, au même âge, il faudra travailler plus longtemps dans le système de M. Macron pour atteindre le même niveau de pension. Un enfant de 5 ans comprend que s'il faut travailler plus longtemps, c'est bien qu'au même âge, le niveau des pensions a baissé. On va revenir sur le fond, rassurez-vous. En commission, Laurent Pietraszewski, qui est le secrétaire d'État aux retraites, lui, ne rentre pas dans votre jeu. Il y a une sorte de dialogue de sourds, finalement, entre vous. Dialogue, il faut le dire vite. Est-ce que, du coup, tout cela n'est pas Écoutez, un échec? Soyons clairs et faisons aussi l'économie de nos prises de parole aux uns aux autres autour de ce plateau ce soir. Notre intention n'est évidemment pas de coopérer avec le gouvernement. Habituellement, vous savez, la France Donc insoumise... Le fait que le secrétaire d'État aux retraites ne vous réponde pas, non, ça vous va bien. Le fait que... Non, parce que quand les parlementaires posent des questions et des questions précises, nous aimerions avoir des réponses. Par exemple, c'est toujours un flou artistique pour savoir précisément en quoi va consister une carrière complète quand on calcule Donc, avec ce que des vous points. Disiez, Brigitte, c'est ça, Mais c'est un attendez, échec, vous n'avez pas je m'arrête sur un point. Je veux dire, on ne pouvait pas attendre autre chose de l'opposition parlementaire que nous représentons, Francis Letellier. Au-delà du fait que ce projet soit en contradiction avec les engagements d'Emmanuel Macron, je viens d'en faire la démonstration, c'est un projet de loi qui est contesté par une majorité de Français. Je rappelle qu'après plus de 60 jours de grève, si on fait le mouvement historique le plus ample du point de vue de sa durée de toute l'histoire de la Ve République, vous avez une majorité de Français, si on en croit les enquêtes d'opinion, qui sont opposés à ce projet de réforme. Donc nous sommes dans notre bon droit en disant « Mais attendez, tout ça ne va pas se passer comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale, ça ne va pas être une promenade de santé pour le gouvernement, alors qu'on a des parlementaires pris pour des idiots et des Français à qui on a raconté l'universalité et tout le reste et le Conseil d'État qui n'est pas composé, ça se sait quand même, que d'insoumis, il y en a même d'ailleurs à mon avis pas beaucoup, et bien en réalité a validé l'ensemble des arguments de l'opposition. Donc le bon port pour ce projet de loi, c'est la poubelle. Il va falloir faire des réponses un peu plus courtes si on veut que mes consoeurs puissent poser leurs questions avant de partir à la retraite. On va parler effectivement des retraites. Est-ce que votre stratégie, elle n'a pas eu un effet contre-productif? Cet effet, cela a été de ressouder la majorité, une majorité qui aurait pu être tirée, et finalement, ben là, ils sont tous ensemble contre vous. Vous rigolez, je veux dire, enfin, c'est passé relativement sous les radars médiatiques, mais la planche est plutôt savonneuse pour La République En Marche en ce début 2020. Ce sont les parlementaires LREM, la retraite en moins, qui assument d'ailleurs assez peu leur projet de réforme, je dois le dire. Parce que moi, on m'a dit l'autre jour, mais si vous étiez la majorité et qu'on vous avait collé 19 000 amendements dans la figure, mais moi je dis, si je croyais au projet de loi que j'avais à défendre comme majorité, mais 19 000 amendements de l'opposition, c'est 19 000 occasions pour les députés de La République En Marche de défendre avec ardeur leur projet de loi. Ils ne le font pas. Il y a beaucoup d'amendements identiques. Des amendements identiques, sauf que si vous regardez la défense de nos amendements, à chaque fois que nous défendons un amendement, nous y mettons du fond. Même quand, je l'admets, nous supprimons alinéa par alinéa jusqu'à des titres. Parce que voyez-vous, nous avons un contre-projet qui est précis, qui est chiffré, qui est financé. Et donc, en quelque sorte, nous voulons le débat de fond. Et que fait La République En Marche? Ils mettent leur pouce dans leurs mains et ils attendent que ça se passe. Ils sont très peu nombreux à prendre la parole dans l'espoir simplement qu'on respecte le calendrier du gouvernement. Mais moi, je ne suis pas là pour respecter le calendrier du gouvernement. J'ai pris la parole à La République En Marche, notamment Brigitte Bourguignon, la présidente de la Commission des Affaires Sociales, qui s'en est pris aux députés de la France Insoumise. Elle vous a attaqué en disant qu'elle était harcelée sur les réseaux sociaux, notamment par vos militants. Est-ce que vous demandez à vos militants de calmer le jeu? Disons les choses très franchement. Moi, je ne suis d'accord avec aucune invective, aucune insulte. Et je ne sais pas quels sont les propos que la présidente Bourguignon a eu à subir sur les réseaux, mais s'il y a des insultes ou des choses qui sortent du cadre républicain de mon point de vue, évidemment que je ne suis pas d'accord. Mais que s'est-il passé exactement ? dans ce ronronnement de l'Assemblée nationale, dans l'entre-soi de ses murs, on a l'impression qu'on peut faire les plus rudes coups sans que ça passe aperçu, sans que ça soit aperçu aux yeux du grand public. Voyez-vous, la commission avait à peine démarré ses travaux, 3 jours de travaux je crois, que déjà, le fait que nous défendions nos amendements était insupportable aux yeux de la Macronie. Alors ils ont décidé, en bureau spécial de la commission, de diviser par deux le temps de parole pour défendre les amendements. Et ils avaient l'impression que tout ça resterait dans les murs de la commission. Moi je leur ai dit, mais les amis, faites-le. Allez-y, votez la division du temps de parole de l'opposition parlementaire et des députés par deux. Mais à l'instant où vous l'aurez fait, aujourd'hui c'est le 21e siècle, on sort de la pièce, on fait un direct Facebook et dans l'heure, le pays est informé tout entier. Vous faites exprès de dépasser le temps de parole pour alimenter les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Non, pas du tout. Vous voyez, la politique spectacle, clairement, quand il faut savoir mobiliser les réseaux sociaux, on sait le faire, mais on ne peut pas nous reprocher de faire un travail qui est sérieux et qui est chiffré, qui est financé. Moi j'ai un contre-projet à défendre, c'est pas du théâtre. Je vous promets qu'on va le faire. Il y aura donc l'hémicycle à partir du 17 février. Est-ce que vous allez déposer autant d'amendements, c'est-à-dire quelques 19 000, et adopter la même stratégie dans l'hémicycle ? Je pense que nous allons essayer de faire mieux, parce que ça avance, à mon avis, trop vite. Et je crois que peut-être les autres groupes d'opposition auront été inspirés par notre méthode. Clairement, entendez les choses. Attendez, qu'il y aura plus d'amendements de votre part ? Mais nous, peut-être qu'on essaiera de faire un peu mieux qu'on a déjà fait. Mais mieux, ça veut dire plus d'amendements. Bien évidemment. D'accord. Mais je crois surtout que d'autres groupes d'opposition sont tout à fait tentés. Vous pensez à qui quand vous dites Mais je pense que d'autres groupes, peut-être même, pourquoi pas, la droite républicaine. Vous savez, c'est un appel que vous leur lancez. Non, mais je m'arrête un instant là-dessus. Je vais même vous dire quelque chose. Et c'est une fois n'est pas coutume dans la bouche d'un insoumis. Mais je vais vous dire quelque chose. Le macronisme me ferait presque regretter la droite républicaine. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au moins, la droite républicaine... Elle assume ce qu'elle fait. C'est-à-dire que la droite républicaine, je suis en radical désaccord avec elle, mais elle dit qu'elle défend une mesure d'âge et que la variable d'ajustement doit être l'âge de départ. Emmanuel Macron fait exactement la même chose qu'eux, sauf que lui, il biaise, il cache, et en réalité, il truque tout ça avec l'universalité qui n'en est pas une, vous voyez ? Donc moi, je préfère quand effectivement les convictions s'assument et qu'on ne dit pas une chose pour en faire une autre. Vous réclamez un référendum sur les retraites. D'évidence, le président de la République ne va pas le faire par son initiative. Est-ce que vous demandez un référendum d'initiative partagée comme pour ADP ? Aéroport de Paris. J'en profite pour faire une page de pub pour le référendum pour Aéroport de Paris. Vous savez que cette procédure, c'est extrêmement compliqué, la collecte de signatures. On parle de seuil de plusieurs millions, 4,7 millions. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est à ceux qui nous écoutent, faites-le. Parce que derrière Aéroport de Paris, c'est un tas d'enjeux. Pour les retraites. Écoutez, moi d'abord, je ne varie pas dans le mot d'ordre. Je crois qu'Emmanuel Macron a définitivement perdu sur les retraites la bataille de l'opinion. Elle est perdue, il est nu, tous les arguments sont tombés. Le Conseil d'État s'est chargé d'ailleurs de conforter l'opposition. Mais pour moi, l'issue la plus raisonnable, et presque, j'ai envie de dire, une flèche qui manque à l'arc d'Emmanuel Macron, c'est l'humilité. Le président pourrait arriver devant les Français et dire « bon, ok, j'ai compris, et je retire ». Et je ne suis même pas sûr que ça lui soit défavorable. Mais là, il s'obstine, en quelque sorte. Mais on pourrait tout à fait faire un référendum. Comme Aéroport de Paris, en essayant d'avoir 4,7 millions de signatures, ou c'est quoi ? Ou vous demandez simplement au président de la République de... Mais le président de la République s'honorerait de le faire. Ça nous permettrait de créer une véritable campagne où les uns les autres, nous échangerions nos arguments. Mais 4,7 millions que vous étamez, vous n'y croyez pas ? Mais écoutez, vous voyez bien. Vous relancez dans la même chose. Voyez bien, c'est extrêmement compliqué. Moi, je veux bien, et on s'y donne beaucoup de mal. Et les militants. Mais c'est extrêmement compliqué. Et tout le monde comprend pourquoi. Et moi, j'appelle, du coup, et je profite de l'occasion que vous me tendez ce soir pour relancer un appel. C'est une procédure inédite, mais aussi à tous les Français qu'ils aillent signer pour ADP. Parce que derrière ça, il y a quelques précédents quand même. Et au président de la République, je lui dis, écoutez, l'issue raisonnable, c'est le retrait, qu'on puisse rediscuter véritablement. Parce que moi, l'autre matin... D'abord, le premier ordre, c'est le retrait. Et si Emmanuel Macron n'entend pas le retirer, effectivement, que l'on s'en remette à la sagesse du peuple français. Dans cet ordre-là. Exactement. Et puis surtout... on est quand même au Parlement. Il y a Marc Fesneau, qui est le ministre des Relations avec le Parlement, qui dit qu'il n'y aura pas le 49-3. On n'utilisera pas ce vote bloqué pour faire passer la réforme. Déjà, est-ce que vous le croyez ? Et ensuite, est-ce que ce n'est pas un peu l'échec de votre stratégie ? Finalement, vous auriez bien aimé, vous, les pousser au gouvernement à faire un 49-3, non ? Non, vous nous aurez mal compris là-dessus. Le 49-3, moi, j'ai l'occasion de le dire avec mes amis de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit avant moi, c'est une sorte de LBD parlementaire. C'est-à-dire qu'on a la répression qui s'exprime dans la rue, et le 49-3, ça serait finalement le coup de LBD à l'intérieur du Parlement. Vous savez, il y a déjà beaucoup de modifications du règlement qui ont permis en quelque sorte de resserrer la vis. Là, vraisemblablement, on va être en temps programmé, c'est un temps qui est contraint pour examiner le texte. Donc vous savez, il y a quand même déjà beaucoup de dispositions qui permettent de resserrer l'étau sur les parlementaires. En fait, l'action de La République En Marche, provoque cet effet que de plus en plus, et c'est malheureux pour notre démocratie, je le crois, l'Assemblée nationale devient en fait une sorte d'imprimante directement branchée sur l'ordinateur central qu'est l'Élysée. Voilà. Et bien moi, je pense que c'est autre chose qui devrait honorer notre démocratie, surtout dans un moment de tumulte comme celui-ci. Observez la décorrélation qu'il y a entre l'ambiance dans le pays, où on voit toutes sortes de professions, même celles qu'on ne voit pas souvent dans la lutte, comme les avocats, se mobiliser, et une assemblée où finalement tout devrait ronronner, quelque sorte. Vous avez vu que samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu un amendement du gouvernement pour que les avocats, avec leur régime autonome, aient 20 ans éventuellement pour rejoindre le régime universel. Voyez bien toutes les génuflexions auxquelles le gouvernement est prêt sur la question de l'universalité. Preuve, s'il en fallait une, que l'universalité dans cette affaire, Francis Letellier, était qu'un alibi. Non, mais qui peut croire ont gagné une partie Oui, de la mais manche, attendez, non, bah, non, ils n'ont pas l'air d'être hyper satisfaits parce qu'ils sont quand même toujours très mobilisés. Vous les soutenez, vous, les avocats ? Mais évidemment, comme je soutiens toutes celles et ceux qui se battent pour l'intérêt général dans le pays, qui doit nécessairement emmener ce projet de loi à la poubelle, ça a le mérite d'être clair. Tam. A priori, Adrien Quatennens, la réforme, elle va passer quand même. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec toute votre stratégie... Vous dites tellement que vous avez l'air de le désirer, faites attention. Ah, je n'ai absolument pas dit ça. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec votre stratégie, mais tout de même, vous découragez les personnes qui sont dans la rue? Est-ce que vous ne les trompez pas sur la marchandise? La réforme, elle va passer. Vous savez, cet argument-là, pardon pour vous, hein, mais je l'ai beaucoup entendu en commission par les députés de La République En Marche eux-mêmes. La réalité, c'est que je ne crois pas que les parlementaires de La République En Marche peuvent se prévaloir en cet instant de recevoir beaucoup de mails et de courriers de soutien, mais nous, voyez-vous, oui. Nous sommes extrêmement soutenus dans cette stratégie qui est tant décriée. Mais il y a une majorité. Il y a une majorité dans le pays contre le projet de réforme. Non, mais à l'Assemblée. Oui, mais alors, donc, filons un peu ce raisonnement qui me paraît, moi, dangereux, en quelque sorte. Ça veut dire donc, Francis Letellier, que dans un pays où on a un projet de loi, je le répète, qui contredit les engagements présidentiels, qui est basé sur une étude d'impact truquée, et qui voit contre lui un mouvement social historique et une majorité de Français opposés, finalement, on pourrait presque mettre la clé sous la porte de l'Assemblée nationale et voter par avance. Mais il y a une majorité, c'est comme ça. Mais il y a une majorité, mais supporter que la démocratie, ça n'est pas vote une fois tous les 5 ans. C'est peut-être le problème de notre régime, raison pour laquelle je vous rappelle qu'on en appelle à une 6e République pour la France insoumise, qui a mérite d'être cohérent, parce que je pense que la règle du jeu doit être repensée, et pas repensée par quelques technocrates, mais par le peuple lui-même, qui n'y consent plus, et c'est un problème. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a toutes sortes de quelque part, de violences. C'est un projet qu'on impose par le coup de force. Et je redis surtout qu'il contredit le programme présidentiel. Alors, ça me paraît essentiel. Ce vote sur les retraites, il aura lieu sans doute quelques jours avant les élections municipales. Est-ce que vous souhaitez faire de ce scrutin un vote sanction ? Bon, ne confondons pas tout. La première tâche des élections municipales, c'est de faire en sorte de favoriser l'implication du grand nombre et l'implication des citoyens. Et dans un contexte d'abstention et de défiance envers la politique, c'est un défi considérable. La deuxième tâche, c'est de soustraire un maximum de communes partout où ce sera possible au macronisme. Mais bon, si on pouvait faire d'une pierre plusieurs coups, pourquoi pas ? Il y a une tâche politique. Mais vous n'y croyez pas trop, vous dites deux choses. Il y a une tâche politique qui me paraît évidente. Et je lance du coup un appel depuis votre antenne ce soir. C'est que je vois dans la presse de plus en plus de candidats de La République En Marche désirer qu'à l'occasion de ce scrutin, on ne se souvienne pas trop qu'ils sont de La République En Marche. J'ai vu notamment la candidate lilloise qui avait déclaré « je ne me sens pas trop macroniste ». Mon problème n'est pas de savoir si eux se sentent macronistes, mais que l'ensemble de la population française les sente macronistes. Et donc il y a une tâche immédiate. Nous avons d'ailleurs lancé une campagne d'affichage qui est une traduction offerte par la France Insoumise. À l'occasion de ces élections municipales, les candidats LREM portent bien leur sigle « C'est la retraite en moins », oui. Dernière question sur les retraites de table. Laurent Berger, pour la CFDT, continue de participer à la conférence de financement. Il a averti le gouvernement, il a mis en garde le gouvernement contre toute tentative de plantage de la réforme. Est-ce que Laurent Berger, ça ne serait pas votre nouvel allié ? Je serais ravi en tout cas d'avoir une discussion avec Laurent Berger pour la raison que cette conférence de financement me paraît être une hypocrisie absolue. Je m'explique. La conférence de financement n'a strictement rien à voir avec le projet de loi que nous discutons à l'Assemblée. Puisque le projet de loi que nous discutons, c'est la mise en place du système de retraite par points qui est doté d'un âge d'équilibre. L'âge pivot, il n'a jamais disparu, même provisoirement, du projet de loi. Par contre, la petite astuce d'Edouard Philippe, ça a été de dire, pour ceux qui ne seront pas concernés par la retraite à points, donc la génération d'avant, il y aura un âge pivot qu'ensuite il a provisoirement retiré. Et c'est uniquement cet objet-là qui est le cadre de la conférence de financement. Mais le projet de loi, lui, finalement, les syndicats n'ont quasiment rien à en dire dans la conférence de financement. Donc je dis à Laurent Berger, si on parle du projet de loi, vous ne pouvez pas être d'accord. Puisque vous n'êtes pas d'accord avec l'âge pivot à 64 ans pour ceux qui sont nés avant 75, vous ne pouvez pas soutenir finalement ce qui reste de ce projet de loi, c'est-à-dire une vaste mesure d'âge qui va faire travailler les Français toujours plus longtemps. Ça n'est pas juste. Allez, on va s'arrêter là pour les retraites. On va y revenir avec les parlementaires qui vont venir. Mais mes consoeurs ont d'autres questions liées à l'actualité, notamment ce congé pour deuil. d'enfants, Brigitte ? Oui, parce que demain, la majorité va faire des propositions après le couac du congé en cas de décès d'un enfant. Pour vous, il faut aller jusqu'où ? On sait que ça avait bloqué sur le décalage de 5 à 12 jours en fait, du congé en cas de décès d'un enfant. Bon, s'ils veulent réparer leur erreur, il faut qu'ils aillent bien au-delà et il faut qu'ils mettent plus de jours encore. Vous savez, qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Écoutez, moi, si on peut aller même à 15 jours, pourquoi pas ? En tout cas, une chose est sûre, et Édouard Philippe l'a reconnu devant l'Assemblée nationale, on sait très bien que face au deuil d'un enfant, il n'y a aucun nombre de jours qui permet d'assurer une réparation. Mais vous dites 15 jours, ça pourrait être... Ce que je dis en tout cas, c'est que je vous demande de ne pas trop créditer la thèse d'une erreur temporaire de la majorité, parce qu'une erreur, on l'a fait une fois, pas deux. Et la disposition avait déjà été faite en commission. C'est-à-dire que suite à ce qui s'est passé dans l'hémicycle, oula, c'est une erreur momentanée, mais avant l'hémicycle, le texte avait été discuté en commission et dans les mêmes termes, ça avait été repoussé. Donc, si vous voulez, ça montre plutôt l'effet de système qu'il y a au sein de La République En Marche. Ce suivisme ambiant, mais ça ne correspond pas à une erreur, non, pas du tout. De termes concernant le handicap, cette fois. Oui, puisque demain, le gouvernement va faire des annonces en matière de handicap avec une priorité sur un sujet, l'insertion par le travail. Est-ce que pour vous, c'est une bonne dernière? Est-ce que c'est la bonne priorité ? La question du handicap, elle est extrêmement vaste. On en traite à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales. D'abord, rien que sur l'allocation adulte handicapé. J'ai bien observé qu'elle a été revalorisée, mais pour nous, il faudrait la porter au niveau du SMIC. Et surtout, on avait soutenu avec la France Insoumise la proposition de la parlementaire communiste Marie-Georges Buffet, qui était de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint dans le calcul, parce qu'avec la prise en compte des revenus du conjoint, il y a un certain nombre, 70 000 personnes, je crois, qui se sont vues sucrer l'allocation purement et simplement. Sur l'accessibilité aussi, il y a beaucoup à faire. Mais sur le travail. Sur la question de l'emploi. Sur le travail, la priorité. Oui, alors moi, je suis d'accord. Il faut effectivement favoriser l'insertion professionnelle, mais on ne peut pas se contenter de le dire. Il faut se doter de quelques armes pour ça législative. Demain, justement. Oui, voyez-vous, quand il s'agit effectivement de favoriser le sort du grand nombre, on a l'impression qu'on n'a que des vœux pieux. Quelle est la situation de l'emploi en un instant en France ? C'est une situation qui est extrêmement précaire. On a 87% des contrats qui sont signés qui sont des contrats courts, 83% des contrats de moins d'un mois, plus de sanctions et un tiers pour les entreprises. Des contrats de moins d'un jour. Mais vous parlez de sanctions, mais de l'incitation législative. Moi, je crois à l'État et à la règle. Et quand effectivement, on voit que le marché seul, et on le voit depuis longtemps, et pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour le comprendre, eh bien, ne corrige pas certaines inégalités. Loi au droit réel. Hein. Il y a un vrai souci en matière mais de handicap. Évidemment, il faut la loi et il faut s'assurer de son application. Bien. Vous avez raison. Pour l'instant, en tout cas, j'attends les propositions. Une autre question. À part des déclarations d'intention, on n'a rien eu de trop précis. C'est un sujet sensible. Brigitte, concernant la fin de vie. Oui, le gouvernement vient de donner son feu vert à la délivrance d'un sédatif profond utilisable à la maison pour la fin de vie. Vous aviez fait une proposition de loi à l'Assemblée pour défendre l'euthanasie. Est-ce que vous saluez déjà un premier pas, une avancée dans ce domaine ? Tout ce qui peut permettre de soulager la vie des gens est le bienvenu. C'est un sujet d'abord qui est extrêmement complexe. Il est aussi passionnant parce qu'à bien des égards, plus qu'une controverse politique, il y a un débat philosophique. Moi, je regrette par exemple que la fin de vie n'ait pas pu être abordée dans les débats passionnants que nous avons eus à l'Assemblée sur la bioéthique. Nous l'avions souhaité. Et effectivement, le groupe de la France Insoumise avait déposé une proposition de loi sur la fin de vie parce que, voyez-vous, beaucoup de nos concitoyens, un nombre significatif, font parfois un parcours du combattant dans des conditions désastreuses pour aller à l'étranger mourir dans la dignité. Je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir et aller, effectivement, Francis Letellier, vers cette liberté ultime qui permet de disposer de soi, de disposer de soi jusqu'au bout et de décider, effectivement, comme nous l'avions dit, du moment auquel on peut éteindre la lumière. Toute dernière question de Tam, cette fois, ça concerne le bac. Et oui, puisque les nouvelles épreuves de contrôle continu sur ce nouveau bac prennent leur fin. Il y a eu des tensions dans les établissements pendant toutes ces épreuves, mais est-ce que, sur le principe, vous êtes d'accord avec le contrôle continu ? Non, pour une raison, je considère que ça participe du délitement en cours de l'égalité républicaine. Avec cette, le bac doit rester une épreuve unique. Effectivement, avec cette instauration, du contrôle continu dans des proportions considérables et du fait que chaque lycée a ses propres dispositions pour pouvoir l'accomplir, on a en quelque sorte un bac à géométrie variable qui contrevient à l'idée qu'on peut se faire de l'égalité républicaine. Et je profite juste de l'occasion pour vous dire qu'il est absolument intolérable que des lycéens, dans des conditions désastreuses, se soient retrouvés en garde à vue et que je comprends l'émotion suscitée par ceux qui les soutiennent et par les parents d'élèves. C'est-à-dire que ce gouvernement, comme il est dans la peine pour convaincre et ne le peut plus, cherche à vaincre et à humilier par tous les moyens. Ça n'est pas du tout acceptable. Une question de société aussi qui me vient là, via lefigaro.fr. À quand une réforme de l'aide sociale à l'enfance afin d'éviter des drames comme celui de la petite Vanille ? Il faut réformer l'aide sociale à l'enfance. Vous avez absolument raison. Ça, c'est la question de Berdiot sur Twitter. On a besoin d'abord, on le voit. Qu'est-ce qu'il faut permettez-moi faire d'avoir une pensée pour cette petite, parce que franchement, ça m'a bouleversé l'annonce du fait qu'on ait retrouvé son corps à Angers hier. Effectivement, il faut des moyens supplémentaires. On voit bien ces professions, tout ce qui est les métiers d'aidants, sont des métiers où on fait dans des conditions qui sont souvent désastreuses et où tout ce qu'on apprend en formation ne peut pas être appliqué faute de moyens. C'est quoi la priorité pour l'aide sociale? La priorité, c'est du personnel et des moyens en plus. Des moyens humains d'abord et des moyens matériels aussi, mais surtout des moyens humains. C'est-à-dire plus d'assistantes sociales? Effectivement, effectivement. Je pense que nous avons besoin absolument de développer ces métiers de l'aide à la personne et on voit bien combien c'est essentiel. On voit les situations désastreuses et dramatiques et on voit sans doute un personnel qui, à cette heure, doit effectivement se poser des tas de questions sur ce qui a dysfonctionné dans le processus. Et c'est le cas aussi à l'hôpital public et c'est le cas dans l'éducation. Et c'est le cas dans plein de services publics. Bien. Nous sommes un grand pays et donc il y a nécessité de réarmer nos services publics. On va remercier Tam et Brigitte. Merci, merci Tam à et Brigitte. Merci. À lundi, évidemment. Et puis les parlementaires arrivent. Fabre, vous êtes député La République En Marche de Gironde et vous êtes chargé de défendre le projet de loi sur les retraites au nom de La République En Marche. Et Philippe Dominati, bonsoir. Vous êtes sénateur bonsoir. Les Républicains de Paris. On va commencer, puisqu'on était sur les retraites avec vous, Catherine Fabre, avec votre première question. Merci beaucoup. Donc Adrien Quatennens, bonsoir. Le système actuel des retraites repose sur la solidarité entre les générations et fait la part belle aux retraités puisqu'il organise aujourd'hui des retraites élevées. Donc ça, on s'en félicite complètement et on veut continuer sur cette voie-là, puisque aujourd'hui, les retraités ont 6 points de revenus supérieurs par rapport à la moyenne des revenus des actifs. Et on remarque qu'il y a beaucoup moins de pauvres chez les retraités que chez les actifs. Et on en est ravis, on veut continuer comme ça. Mais les retraites actuelles sont tout de même injustes pour beaucoup, qui cotisent, mais qui n'ont pas les retraites qui correspondent à ces cotisations. Ça va être le jeune qui travaille pour se payer ses études. Ça va être l'assistante maternelle qui a des contrats de 15 heures par semaine. Ou ça va être la personne qui monte son entreprise et qui, pour quelques années, a des revenus trop faibles. Donc avec cette réforme, on garde la même ambition, mais en plus, on souhaite que les victimes du système actuel soient mieux loties. C'est ça qu'on fait. Alors la question, comment pouvez-vous être contre une réforme qui prévoit une augmentation de 30% des retraites pour les 25% des Français les plus modestes, qui prévoit une retraite minimum à 1 000 euros pour tous ceux qui travaillent dur tout au long de leur vie, comme les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les personnes en temps partiel subi, et qui gardent un très haut niveau de retraite, de façon générale, pour l'ensemble des Français? Adrien Quatennens, qui a pris en note tout ce que vous avez énuméré. Bien. On ne va peut-être pas répondre point par point parce qu'on sera encore là demain. D'accord, mais au moins sur l'essentiel. En tout cas, remercier Catherine Fabre de sa présence. On se suit en commission spéciale des retraites depuis tout à l'heure. Elle a l'avantage, il faut quand même le saluer, de faire partie de ces rares députés de La République En Marche qui prennent la parole sur le sujet. Si tous vos collègues étaient aussi bavards que vous, je pense que ça faciliterait aussi nos échanges et nos débats. Bon, ben, bon point. En tout cas, merci. Merci d'être là et de permettre le débat. Bon, première chose qui va faire point d'accord entre nous, vous dites que le système actuel n'est pas complètement satisfaisant et quelque part, vous utilisez cet effet de contraste entre le système actuel et celui que vous voulez mettre en place. Peine perdue pour me convaincre, puisque je crois comme vous que le système actuel n'est pas suffisant. Peut-être pas pour les mêmes raisons, moi je considère, je l'ai dit tout à l'heure, que les gens partent déjà trop tard et trop pauvres dans le système actuel, qui a subi beaucoup de coups de canif. Mais rappelez quand même que le système actuel a permis les résultats que vous avez salués, et que je salue avec vous, c'est-à-dire notamment s'agissant du taux de pauvreté des seniors, qui est effectivement plus faible en France que chez la plupart de nos voisins européens, dont souvent certains membres du gouvernement nous disent qu'il faut les prendre en modèle. En l'occurrence, c'est la France qui devrait être un modèle sur cet aspect-là. Mais ça a fonctionné. Pourquoi, Catherine Fabre? Parce que jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on augmentait, on peut le vérifier, proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Et là, j'insiste bien parce que ce point a été contesté à plusieurs reprises, mais Jean-Paul Delevoye a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que désormais, le niveau actuel de richesse consacrée aux retraites, 14%, serait un plafond. Et il a cité ce terme de plafond. Il l'a dit. En tout cas, l'intention réelle du gouvernement n'est pas... D'ailleurs, je vois que dans votre plaidoyer pour la réforme, vous n'utilisez plus le terme d'universalité. On comprend pourquoi, parce que l'argument est tombé. Vous ne parlez plus non plus du slogan de 1 euro cotisé donnera lieu au même droit. Bah, en tout cas, vous ne l'avez pas dit dans votre petite page de publicité. Excusez-moi, vous avez 30, moi j'en ai une. Mais en tous les cas, une chose est sûre. S'agissant notamment des 30%, vous allez améliorer, etc. Si vos calculs sont basés sur des âges d'équilibre gelés comme dans l'étude d'impact, je pense que les Français n'y apporteront aucun crédit. Alors, je vais résumer d'un trait pour conclure la différence entre nos deux visions. Vous avez un objectif, de mon point de vue, vous ne partagerez pas, qui est un objectif plutôt budgétaire, austéritaire, arbitraire, dont la variable d'ajustement va être la vie des gens, par le décalage de cet âge d'équilibre. Et vous reconnaissez d'ailleurs que génération après génération, il faut travailler toujours plus longtemps, en quelque sorte. C'est ce que nous dit Édouard Philippe. Il dit progressivement toujours plus longtemps. Nous, voyez-vous, c'est l'inverse. On veut répondre aux deux questions, Catherine Fabre, que les Français se posent s'agissant des retraites et auxquelles votre gouvernement est incapable de répondre. La première, c'est à quel âge je peux partir ? Et la seconde, c'est avec quel niveau de retraite ? À la première, vous répondez 64 ans, c'est-à-dire au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, et toujours plus tard ensuite. Et la deuxième, vous êtes infoutu d'y répondre, parce qu'en réalité, le niveau de vie, le niveau des pensions va être votre variable d'ajustement. Donc, en quelque sorte, c'est l'inverse que nous voulons faire. Catherine Fabre, est-ce que vous admettez que si l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans dans ce pays, se fixer un objectif, j'ai compris que vous ne le partagiez pas, celui que nous avons dans le contre-projet, de la retraite à 60 ans, avec aucun niveau de pension inférieur au SMIC pour une carrière complète et personne sous le seuil de pauvreté, est un objectif désirable. Parce que si oui, je peux vous rassurer sur son financement, nous n'avons besoin pour faire cela que de 2 points de PIB en plus sur les retraites. Avant d'élargir le débat avec Philippe Dominati, vous vouliez poser une question sur le contre-projet, justement. Vous devriez réagir. Rapidement, déjà, et puis sur le contre-projet, peut-être. Premièrement, sur cette histoire d'études d'impact truquées. Alors ça, c'est le gros élément de langage de la France insoumise. C'est truqué, l'étude d'impact est truquée, Vous prouvez l'inverse. Moi, je vais vous prouver l'inverse. Convainquez-moi. Cette histoire d'âge fixé à 65 ans, mais c'est de la mauvaise foi absolue. Vous savez très bien que quand on étudie un impact, on gèle, on fait toute variable par ailleurs, pour calculer cet impact. C'est la base d'une étude d'impact, c'est la base d'une projection économique. Et c'est une économiste qui vous le dit. Moi, j'ai regardé cette étude d'impact, et évidemment que ça ne me choque pas, elle n'est absolument pas truquée. Donc ça, c'est la première chose. Juste une petite parenthèse. Sur la deuxième chose, excusez-moi, mais moi, mon objectif, c'est effectivement d'améliorer le système de retraite actuel avec tous les mots que j'assume complètement. Universalité, bien sûr. Il n'y en a pas. 1 euro égale 1 euro cotisé égale 1 euro de droit à la retraite. Le Conseil d'État a dit que tout ça n'existait pas. Solidarité, évidemment, le Conseil d'État n'a pas dit ça. Si. Non, du tout. Bah, donc j'assume complètement ça. Par contre, j'assume autre chose que je pense que vous n'assumez pas vous. C'est la responsabilité envers les générations futures. Je ne veux pas que mes enfants aient des dettes dues au fait que moi, j'aurai des positions de démagogue. Une petite parenthèse, Catherine Fabre. Une petite parenthèse. Vous avez vu, ce soir, les socialistes proposent une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact. Ça vous choque, vous ? Vous trouvez que c'est normal ? Vous dites banco ? Écoutez, s'ils veulent faire une étude sur l'étude d'impact... C'est une commission d'enquête parlementaire, ça va plus loin qu'une étude. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, c'est leur choix. Ils ont des droits de tirage par rapport à des missions. C'est absolument leur droit. Ça ne vous choque pas ? J'ai pas de problème par rapport à ça. Les études d'impact sont obligatoires depuis 2008. Je pense que, par exemple, la retraite à 60 ans, elle n'a pas eu d'études d'impact particulières. On a 1000 pages d'études très sérieuses sur cette étude d'impact. Donc, arrêtons de dire qu'on fait cette réforme à la légère. On l'a préparée pendant 2 ans. Si l'étude, elle est tout à fait sérieuse. On va revenir sur le contre-projet de la France insoumise, parce que vous avez des questions à poser. Mais il y a Philippe Dominati qui est à côté de vous, qui, lui, au cours des manifestations, notamment contre la réforme des retraites, a beaucoup entendu parler de violence policière, c'est ce que vous avez entendu. Mais vous voulez interroger Adrien Quatennens, justement, sur le rapport avec les forces de l'ordre. Oui, moi, j'ai du mal à comprendre la position de la France insoumise sur la doctrine des forces de l'ordre, de l'emploi des forces de l'ordre. Tout à l'heure, sur le sujet des retraites, vous avez parlé de LBDO parlementaire. Donc, en réalité, vous avez le sentiment de critiquer, de fustiger rapidement, très souvent, l'emploi de la police républicaine. Vous parlez de l'État républicain, mais en réalité, à plusieurs occasions, vous ne perdrez jamais une occasion de fustiger l'emploi de cette police. Deuxièmement, on ne comprend pas le projet. Vous dites qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc vous êtes pour un budget plus important, plus équilibré. Moi, j'ai noté que sur certains points, on peut peut-être éventuellement se rejoindre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de formation. La formation est trop courte. Comme il y a eu des demandes d'emploi trop importantes, on a réduit le temps de formation des agents. Mais ce n'est pas sur ces sujets-là que, généralement, vous intervenez. Alors, j'aimerais que vous précisiez véritablement quelle est la position de la France insoumise sur les troubles qui sont dans notre pays depuis maintenant 1 an et demi et qui ne cessent, week-end après week-end, de s'aggraver. Les retraites et les gilets jaunes avant. Absolument. D'abord, je vous remercie de m'en donner l'occasion, parce que si ce n'était pas clair pour vous, vous allez voir que, en tout cas, je l'espère, je le souhaite, ça va l'être tout de suite. Partons d'un principe. On parle beaucoup de maintien de l'ordre. Moi, j'interroge quel est l'ordre à maintenir. Je considère que dans ce pays, ce n'est pas l'ordre républicain, c'est le désordre social. Et je pars d'un précaré, je considère qu'il n'y a pas d'ordre public possible, ni même souhaitable, sans justice sociale, et que la réponse est d'abord politique. Ensuite, vous dire une chose. Vous avez dit quelque chose de tout à fait juste. Vous avez dit, dans police républicaine, il y a républicaine. Absolument. Et de ce point de vue, nous avons, je le crois, un sérieux problème, du point de vue de la doctrine. Il s'agit de mettre en cause les donneurs d'ordre, la hiérarchie. On le voit bien, s'il s'agit de maintenir l'ordre, depuis quelques mois, même depuis plus d'un an, on a l'impression souvent que les donneurs d'ordre et les responsables politiques, en quelque sorte, maintiennent, sinon parfois même encouragent un désordre organisé. Quand nous avons des policiers, et je ne dis pas qu'ils soient tous de ce cas-là, ni responsables, qui tirent à bout portant sur des manifestants, je pense qu'en républicain, vous comme moi, on peut s'en émouvoir. Moi, vous savez, je crois au pacifisme dans les mobilisations, pour une raison qui est très claire, et je veux le redire, c'est d'abord que je considère que la condition d'un rapport de force favorable, c'est le nombre. Et la condition du nombre, c'est que les gens puissent manifester en toute sécurité. Moi, idéalement, vous voyez, je voudrais des manifestations où les gens pourraient venir avec les poussettes et les gamins par le bras. Donc je suis pour la non-violence en toute hypothèse. Par contre, dire une chose, effectivement, nous avons un problème avec la doctrine de maintien de l'ordre. Je préfère que nous en appelions aux gardiens de la paix et que nous revoyions la manière de faire. On ne fera pas passer une réforme, je termine, on ne fera pas passer une réforme dont les Français ne veulent pas, par la matraque. Juste une dernière chose, savez-vous, il y a un syndicat de policiers, je vais le nommer, Alliance, qui a pris en grippe la France insoumise et qui nous a taxés d'antiflics, au point même de venir manifester sous nos fenêtres. Je veux vous dire une chose, antiflics, nous le sommes tellement que nous voulons en recruter 15 000 de plus, que nous avons été les premiers par la voix d'Hugo Bernalicis et d'Alexis Corbière à l'Assemblée nationale à demander que les commissariats soient remis en état, à demander qu'on leur paye leurs millions d'heures supplémentaires, parce que voyez-vous, la police ne fait pas exception au délitement de l'État républicain qui est en cours. Juste, voilà, il faut pacifier les relations entre la population et sa police républicaine. Et je crois que ça peut nous mettre d'accord. Vous parlez du préfet de police de Paris. Non, non, bien sûr, mais vous avez des endroits où les manifestations se passent très bien, les endroits où c'est visiblement alors justement, est-ce qu'il y a, puisque vous avez en face de vous un sénateur, les Républicains de Paris, est-ce qu'il y a un problème avec le préfet de police de Paris, Didier Lallement? Non, il y a un problème avec la préfecture de police depuis des années. Et d'ailleurs, je crois qu'à Paris, toutes les formations politiques sont volontaires pour réformer cet État dans l'État qu'est la préfecture de police, à l'exception, je crois, du Parti communiste. Alors d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la position de la France insoumise là-dessus, mais c'est vrai que le président de la République avait annoncé des réformes. On a vu que dans la deuxième partie du quinquennat de François Hollande, il y avait eu un certain nombre de dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements se poursuivent. En réalité, la fonction de police municipale n'existe plus à Paris depuis longtemps. C'est le problème? Vous croyez que c'est le problème pour vous, Daniel Quatennens? Ou c'est le problème, c'est Didier Lallement, comme vous le dites? Mais incontestablement, la France Insoumise demande la démission de Didier Lallement. Incontestablement, il y a un problème avec ce personnage. Enfin, Didier Lallement, quand il était préfet en Gironde, c'est le préfet qui a accepté qu'un parlementaire se fasse matraquer, non, tout de même. Non. Non, mais si, je vous le dis, mon collègue Loïc Prud'homme. Je suis également député de Gironde, et j'ai bien vu que M. Prud'homme ne suit pas les règles qui sont données par la police dans le maintien de l'ordre vous pendant les manifestations. Ça n'est pas vrai. J'ai vu, moi, effectivement, j'ai pas été témoin de cette scène-là, mais j'ai été témoin d'autres scènes où les policiers étaient sans arrêt, provoqués, on leur lançait des projectiles en verre, etc. Alors, ce que j'ai vu, moi, c'est une sommation à se dissoudre que n'a pas suivi Monsieur Prud'homme. Et j'ai vu effectivement une petite goutte de sang sur son oreille. Après, je pense qu'il n'est pas respecté les règles de maintien de l'ordre public. Pas votre émotion de la part d'un parlementaire, qu'un parlementaire soit dans une manifestation non déclarée et qu'il ne respecte pas les mots d'ordre donnés par la police républicaine, effectivement, ça me choque beaucoup. Bon, oui. Écoutez, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je supporte pas l'idée que partout ce soit le désordre. S'agissant par exemple de ce gilet jaune manuel, qui était descendu à Paris pour l'anniversaire des Gilets jaunes. Moi, je l'ai eu au téléphone, il m'explique. On a eu le sentiment d'être amené dans un guet-apens. Lui, il a cet avantage-là, il est convaincu, justement, du pacifisme. Vous ne pouvez pas lui faire le procès en violence. Et il dit, ce jour-là, on a bien vu que ça dysfonctionnait. Il a pris un tir tendu en plein visage. Et aujourd'hui, cet homme, comme 25 autres, il a perdu l'usage de son œil. Et bizarrement, la République En Marche n'a jamais eu aucun mot. Parce que moi, je suis clair. Attendez, Catherine Fabre. Moi, je suis clair sur la condamnation. Quand il y a eu, par exemple, des incendies au domicile du président de l'Assemblée nationale, nous, on est toujours là pour condamner. C'est bizarre parce que vos militants, effectivement, sont toujours ceux qui nous empêchent de faire des réunions publiques, etc. Vous n'êtes jamais là pour vous émouvoir du fait que des gens aient perdu des mains, aient perdu des yeux. On n'a jamais vu un parlementaire de la République En Marche. Évidemment que c'est extrêmement triste, évidemment que je m'en émeus. Vous voulez maintenant aller sur le contre-projet de la France Insoumise sur les réformes. Ce contre-projet, parce que vous avez, au cours des débats, brandi à maintes reprises ce contre-projet comme la solution ultime. Vous dites que vous l'avez remis au Premier ministre. Donc voilà le contre-projet, donc 30 pages. Dans ces 30 pages, voilà, vous l'avez en couleur. Ah oui, c'est mis en couleur. Donc 15 pages de procès anti-Macron et 15 pages de programme. Voilà, 15 pages de programme pour un futur système de retraite. Donc soyons sérieux quand même, hein, 15 pages de programme. Écoutez, 15 vos collaborateurs... 15 pages fiables, c'est mieux que 1000 pages truquées, non ? Vos collaborateurs ont passé les 6 derniers mois à préparer 19 000 amendements qui n'ont aucune ambition de faire avancer le débat, vous l'avez dit vous-même. Si. On a passé 7 jours à discuter de principes de politique générale. On n'a pas du tout été dans le détail de la loi pour la modifier. Donc c'est absolument pas constructif et c'est même très conservateur parce qu'en fait, vous voulez que rien ne bouge. Et ça, c'est ça qui m'étonne. C'est que vous êtes très conservateur. La question. Donc, la question. Vous n'avez pas voté la loi anti-gaspillage qui visait notamment à lutter contre l'obsolescence programmée. Vous n'avez pas voté contre la loi sur les violences sexuelles et sexistes qui était censée protéger quand même les plus vulnérables. Donc, même quand il y a des progrès, vous voulez les en empêcher. Donc, moi, ma question, c'est... Vous vous considérez finalement comme des empêcheurs d'amélioration, donc ça j'aimerais savoir. Et finalement, je trouve c'est que vous aussi... Hein. Bah, écoutez, vous nous avez quand même dit qu'on était des robots sans cœur. Oui. Donc je vous retourne l'argument. N'êtes-vous pas dans une espèce d'opposition robotisée qui ne mène à rien ? Adrien Quatennens, répondre. Bon, alors, eh bien, c'est bien, il y a de la controverse ce soir. Bon, sur les violences sexuelles ou sur la loi anti-gaspillage. De la même manière que sur cette loi retraite, ne comptez pas sur nous pour donner un tampon qui signifierait un blanc-seing sur des réformes qui, de notre point de vue, sont uniquement des déclarations d'intention. Sur les violences faites aux femmes, inspirez-vous de l'Espagne, qui a mis un budget conséquent sur la table. Écoutez, les spécialistes du genre, les associations, disent que vos projets de loi sont en quelque sorte des rustines sur un pneu crevé. Vous êtes les champions pour ça. Emmanuel Macron se figure qu'il suffit de parler sur une scène avec un fond de scène vert pour être sacré écologiste et champion de la Terre. Vous êtes les champions de la communication, ça on ne peut pas vous le retirer. Par contre, quand il s'agit d'être conséquent, pour donner le plus à ceux qui ont déjà beaucoup, avec zéro d'efficacité économique, sinon que les plus pauvres s'appauvrissent et les plus riches s'enrichissent. Mais parlons-en de l'emploi en France. Parlons-en de l'emploi en France. Écoutez, Catherine Fabre vous dit qu'il n'y a que 13 pages. Oui, mais attendez, alors d'abord il y a 40 pages au total, un décryptage. Non, tout est financé. Et comment ? Mais alors, je vous réponds, Catherine Fabre. D'abord, avant de parler calculatrice et fichier Excel, parlons avec le cœur un instant. C'est vous qui avez le monopole. Alors attendez, je vais vous répondre à votre question de calculatrice sur comment on finance et il n'y a aucun problème. Mais avant, peut-on avoir juste une once de réflexion philosophique ? Je pense que j'en ai autant que vous, je vous remercie. Alors, petite question qui mériterait un débat très long, on n'aura pas le temps. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin ? Ce serait intéressant d'avoir un débat là-dessus de fond, voyez-vous ? Tout à fait. Quand on sait que l'espérance de vie en bonne santé recule, elle est de 63 ans. Quand on sait que l'espérance de vie tout court stagne. Mais quand bien même ça ne serait pas fiable de votre point de vue, Catherine Fabre, si vous arrivez, vous, à anticiper les conséquences de tout ce qu'on mange, vous et moi, de la pollution, sur l'espérance de vie dans les prochaines années, franchement, bon courage. En tout cas, moi, je dis une chose. Contrairement à vous, je réponds méthodiquement aux deux questions, les seules que se posent les Français. À quel âge partir ? Avec quel niveau de pension ? Alors, vous répondez comment ? Pour moi, compte tenu... Mais c'est le sens de l'histoire. Vous prétendez progressiste. Le progrès, compte tenu des gains de productivité, compte tenu de la richesse produite dans ce pays qui n'a jamais été aussi mal répartie, le progrès, ça n'est pas inéluctablement de travailler toujours plus longtemps, ce qui en plus a pour conséquence majeure d'aggraver le chômage. Pour nous, c'est 60 ans, c'est aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète, et c'est personne sous le seuil de pauvreté en dessous duquel on ne vit pas. Je réponds maintenant à la question, la seule finalement, qui intéresse Catherine Fabre. Pas du tout. Comment on finance ? Alors, commençons par là. Alors, du coup, Catherine Fabre, avant que je réponde à comment on finance, est-ce que c'est désirable, a priori, ce que je propose ? Alors, attendez. Alors, moi, déjà. Après, je réponds à comment on finance. Est-ce que c'est désirable ? En soi, pour moi, le travail, c'est pas le mal absolu. Donc, ça, c'est la première chose. Moi non plus. Ensuite, est-ce que c'est désirable ? Mais vous reconnaissez qu'il est souvent pénible. Évidemment, il est parfois pénible, c'est vrai. Et même parfois, il est pénible, mais aimé quand même. Et donc, dans l'histoire avec un grand H, le recul du temps de travail n'est pas un progrès. Dans l'histoire avec un grand H, c'est très intéressant de pouvoir bénéficier de l'espérance de vie pour pouvoir avoir effectivement un supplément de temps où on va pouvoir faire ses choix. Pas en mauvaise santé, Catherine Fabre. Non, pas en mauvaise santé. Il faut progresser sur la pénibilité de manière préventive et il faut progresser sur la reconversion. C'est un mot parce que sinon on va dire que je n'ai pas répondu. Donc, je termine sur comment on finance. Voilà, aujourd'hui, nous consacrons 14% de la richesse nationale aux retraites. D'accord ? Et je disais qu'à mesure que la part des seniors a progressé, on en a consacré toujours plus proportionnellement, ça se vérifie. Pour financer les propositions que je viens de faire, dont a priori on peut s'accorder sur le fait qu'elles puissent être désirables, il faut simplement 2 points de PIB de plus consacrés aux retraites d'ici à 2040. Franchement, rassurez-vous, ça n'est pas la révolution. Attendez, ça n'est pas la révolution. Et surtout, dire une chose, compte tenu de la part des richesses qui est passée des poches du travail aux poches du capital ces dernières années, je veux dire, en France, 7 personnes possèdent autant que 30% de la population. Donc, la question du partage des richesses est fondamentale. Votre système par points est le meilleur outil pour faire quoi ? Pour ne pas assumer qu'il faut partager la richesse produite. Voilà. Philippe Dominati. Donc, monsieur Katnins, oui, mais Philippe Dominati n'est pas sur le plateau. Il a envie de parler. En tout cas, Catherine Fabre, en tout cas, merci d'être venu défendre votre position face à moi. Philippe Dominati. Ils ne sont pas nombreux à le faire. Alors, bien sûr que si. Philippe Dominati, vous vouliez vous parler de la suite de la grève dans les transports, parce que c'est ce qui a marqué ce conflit des retraites. Les conflits périphériques au débat des retraites embêtent la vie quotidienne des Parisiens et des Franciliens. Donc on a un système des transports. Alors j'ai pas très bien compris la France Insoumise. Vous proposez d'un côté... On est mal compris par la République. On est là pour comprendre. Bon, on laisse finir la question. La gratuité des transports, ce qui est peut-être pas mal, ça, on pourrait l'envisager. Peut-être, mais on ne sait pas comment le financer. On va trouver. Pardon ? Bon, allez, posez la question. Et en même temps, le soutien aux grévistes. Alors en réalité, vous proposez la gratuité à un système qui ne fonctionne pas. Pour les Parisiens, en tout cas, depuis plusieurs semaines, en réalité, c'est un système qui ne fonctionne pas. Vous êtes toujours dans ce double langage, cette ambiguïté, où vous, d'un côté, vous dites, je veux plus de budget pour la police, je veux 15 000 fonctionnaires en plus, mais en réalité, je veux pas la manière dont elle est orchestrée. Et donc sur les transports ? Sur les transports, j'aimerais savoir exactement... Qu'est-ce que vous soutenez ? Les grévistes qui font le dysfonctionnement du service public unique des transports, puisqu'il n'y a là que des sociétés d'État et je dirais des grévistes qui sont des agents indirects de l'État, ou vous êtes pour les Parisiens, pour la population qui, en réalité, ne peuvent pas assurer leur travail, leur loisir et leur vie familiale. Alors, donc la question, si je la résume d'un grand trait, je serais à peine caricatural, c'est êtes-vous pour les grévistes ou pour les Parisiens ? Non. Êtes-vous pour un système de transport tenu par l'État ? Alors, où est-ce qu'il faut ouvrir la concurrence ? Qui finalement... Où est-ce qu'il faut ouvrir la concurrence ? C'est ça que vous voulez dire ? Non, c'est vraiment sur la grève. Tout simplement, comment améliorer le système des transports parisiens qui est totalement bloqué, parce que c'est comme les incinérateurs d'ordures ménagères ou tous ces services où la capitale est totalement bloquée. Alors on laisse Adrien qui a fait je m'autorisais une petite boutade, allez-y. Mais je vais vous répondre. Allez-y. Bon, d'abord dire une chose. Personne ne se lève le matin d'enthousiasme pour aller faire la grève. Non, mais qu'on s'entende là-dessus. Parce que les premiers qui, à 7 heures, subissent les conséquences de la grève, cher monsieur, ce sont les grévistes eux-mêmes, qui rentrent chez eux, y compris parce que des consignes ont été données alors qu'on aurait pu faire un autre choix. Mais je vais venir aux usagers, rassurez-vous, soyez tranquilles. D'accord. Juste dire une chose, eux subissent de plein fouet la grève. Est-ce que vous avez déjà vu ce que ça provoque d'avoir une fiche de paie à zéro ? Moi, j'en ai vu, d'accord ? J'en ai vu, et je sais ce que ça veut dire pour ces familles quand on rentre chez soi. Et je dis que ces gens-là ne se battent pas pour eux-mêmes. Ils se battent pour l'intérêt général, car le grand nombre a pâti de cette réforme des retraites. Alors oui, évidemment, je le reconnais, la grève, d'abord, c'est un droit, parce que, à vous entendre presque parfois, on pourra en douter, hein. Mais d'abord, la grève est un droit fondamental. Moi, je suis pour la grève. Si les Républicains sont pour la grève, ça me va. Mais écoutez, un service minimum, ça prendre en otage, pas mal, c'est une rhétorique, je pense qu'on pourrait par ailleurs, dans le contexte que nous connaissons, éviter, si vous voulez bien. Mais parce que voyez-vous, si on parle de prise d'otage, dans ce pays, l'histoire sociale a fait que notamment la grève a permis des choses magnifiques. Peut-être vous et quelques-uns de vos familles bénéficiez de cette avancée considérable qui s'appelle les congés payés. Et je ne sais pas combien de Français parmi ceux qui ont l'occasion de partir en vacances, lorsqu'ils remplissent le coffre et emmènent les enfants, se souviennent que c'est notamment grâce à des prises d'otages, comme vous les appelez, que le congé payé est arrivé, que ça n'est pas tombé du ciel. Et que dans l'histoire sociale de ce pays, des droits fondamentaux ont été arrachés. Et sur un service minimum, comme vous le dites. Mais attendez, non, la grève, par définition, elle gêne. Et le service minimum, c'est que ce gouvernement ne laisse pas pourrir la situation pendant 60 jours. Voilà. Il y a la démocratie, ça n'est pas uniquement vote tous les 5 ans, puis reste à la maison. La grève fait partie effectivement d'un rapport de force. Mais moi, je veux même dire un mot à ceux qui ont été les premiers à la subir, autres que ceux qui la font. On a beaucoup parlé, s'agissant de la capitale, monsieur, et vous le savez, et vous avez raison d'ailleurs, des artisans et des commerçants qui ont été les premiers à subir les conséquences de la grève. Eh bien, je m'adresse à eux. Et je leur dis deux choses. Comme artisans et commerçants, vous n'avez pas non plus intérêt à cette réforme ait lieu. Pourquoi ? Parce que si le niveau relatif de vie et le niveau des pensions diminuent, c'est vous, comme artisan et comme commerçant, qui allez en payer le prix. Pour que les gens viennent chez vous et consomment, il faut que le niveau de rémunération soit bon. Merci. La consommation populaire est un des axes de relance de l'activité de ce pays. Merci. Pas la précarisation généralisée que prépare la République en marche. Et comme c'est ce qu'on veut organiser, ce bien-être général, justement, je pense que les commerçants s'y retrouveront. Tous ceux qui nous écoutent, toute dernière question, depuis deux ans et demi, tout va mieux dans ce pays. Philippe Dominati va poser une question, mais c'est Yves Tréhard qui va y répondre derrière, rapidement. Alors, sur les municipales à Paris, vous présentez des listes contre Anne Hidalgo, si j'ai bien compris. J'aimerais comprendre, où est-ce qu'elle a échoué pour vous ? Parce que pour moi, elle a échoué, c'est évident. Mais pour vous, Daniel Thibault. D'accord, mais c'est tout à l'heure que vous aurez la réponse. Ah bah oui, Mais vous l'aurez. Okay. Merci Philippe Dominati. Très bien. Merci Catherine Fab d'être venue sur le plateau d'Audition Publique. Et c'est Yves Tréhard qui arrive. Merci. Très bien. Bonsoir Yves, éditorial et Sophie Garon. On laisse répondre Adrien Quatennens rapidement. Est-ce que vous voulez la fin d'Anne Hidalgo ? Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Yves Tréhard. Est-ce que vous voulez la fin d'Anne Hidalgo ? Non mais écoutez, nous présentons effectivement... Politique. Nous présentons une liste que je soutiens avec Daniel Simonet et Vikash Dorasso qui s'appelle Décidons Paris, dont l'objectif premier est de favoriser l'irruption citoyenne en quelque sorte sur la scène politique et de faire des Parisiennes et des Parisiens de véritables décideurs. Bon, notre interlocuteur qui était là à l'instant avec Madame Dati fait partie de ceux qui effectivement imposent les Jeux Olympiques sans qu'il y ait de débat citoyen, ont été jusqu'à la privatisation, souhaitent la privatisation des services publics, des crématoriums, des transports. Vous voulez qu'on organise des référendums au niveau municipal justement à Paris, effectivement, par exemple. Nous soutenons avec Vikash Dorasso, Daniel Simonet et Daniel Simonet qui mène cette liste effectivement l'instauration du référendum d'initiative citoyenne locale. Disons les choses très franchement. D'accord. C'est un moyen d'implication des citoyens qui sont les mieux. Pour faire la liaison avec ce qui a été dit précédemment, imaginez un référendum sur le service minimum à Paris dans les transports en commun. Mais si à votre avis, si les Parisiens les le souhaitaient, citoyens diraient quoi ? Mais vous savez, moi, j'ai pas peur de la démocratie, j'ai pas peur du peuple, j'ai pas peur de la discussion, et je suis le premier à dire que oui, la grève, c'est difficile pour ceux qui la subissent aussi. Mais en l'occurrence, là, je le dis dans cette affaire, les grévistes comme les non-grévistes, les grévistes comme les usagers, ont un intérêt commun, c'est que cette réforme finisse dans les poubelles de l'histoire. Voilà, donc je le crois foncièrement. Il y a un document qui ne va pas rester dans les poubelles de l'histoire, c'est le document que vous avez devant vous, parce que j'ai l'impression que vous le chérissez, les deux. Ah, les deux. Vous avez très peu parlé des municipales. On a l'impression que ça vous embarrasse, ces municipales. Vous voulez les enjamber, non ? Non, j'ai vu que c'était le commentaire qui avait été fait, mais moi je peux passer des heures à en parler. Oui. Nous avons choisi une stratégie. On va passer 10 minutes, alors. Bon, nous avons adopté une stratégie. D'abord, dire une chose qu'on peut-être déplorer ensemble, je ne sais pas, mais tout le monde voit bien dans le contexte désormais que la grande élection qui est la controverse pour régler l'essentiel des problèmes, elle s'appelle élection présidentielle. Pour autant, les Français, ils ont raison, restent extrêmement attachés à l'élection municipale, qui est une élection où on participe relativement plus qu'à d'autres, même si l'abstention maintenant atteint également ce scrutin. Pour nous, l'objectif est le suivant, c'est de permettre, je l'ai dit, de soustraire un maximum de communes au macronisme. Mmh. Et la position de la France insoumise à cette élection, c'est d'être le plus utile possible. Mais c'est-à-dire... Vous n'êtes pas souvent au combat. Vous faites un peu la stratégie du coucou. Non, je vous accorde une chose, Yves Tréhard. Connaissez la stratégie du coucou, je vous accorde une chose. La République en marche. Non, mais pour nous, c'est clair, on ne fait pas semblant. La France insoumise n'est pas candidate aux élections municipales. Ah. Nous avons décidé de ne pas déposer de liste en tant que telle de la France insoumise. D'accord. Par contre, là où nous sommes implantés dans le pays, et ça concerne à peu près quelques 500 communes à l'heure où je vous parle, eh bien, nous allons soutenir des démarches. Nous avons donc établi un texte qui dresse le cadre de cette implication. Il y a un cadre stratégique, un cadre aussi qui est programmatique. Par exemple, ne pas faire de liste commune avec des gens qui envisagent de privatiser plus avant les services publics locaux. Ne pas travailler avec des gens qui n'oseraient pas critiquer le gouvernement, d'accord, pour être clair sur l'opposition au gouvernement. Et donc, ça provoque effectivement des formes qui peuvent être différentes. Sur quel critère, alors, vous allez mesurer les résultats, si vous avez échoué, si vous avez gagné, si vous avez... En toute hypothèse, il ne sera pas possible pour nous d'en tirer une conclusion du point de vue d'un score national, d'accord, puisqu'il n'y aura pas de liste de la France insoumise. Par contre, nous aurons, et nous les comptabiliserons, beaucoup d'élus dans ces listes qui se revendiqueront de la France insoumise. Est-ce que ce n'est pas le résultat, du coup, de bambou que vous êtes pris sur la tête avec les Européennes ? Non, très franchement, Yves Tréhard, disons les choses. Je rappelle, un peu plus de 6%, alors que... Il y a trois ans, vous étiez à l'élection présidentielle à un peu moins de 20%. Très à l'aise pour vous parler, y compris du résultat décevant que nous avons obtenu aux élections européennes. Je considère d'ailleurs, peut-être partagez pas cette opinion, que ce résultat aux européennes, compte tenu de ce qu'est cette élection, même s'il y a plein d'explications, on pourrait y revenir longtemps, n'annule pas nos résultats précédents, celui de la présidentielle, celui des législatives. Donc il y en aura d'autres. Il n'annonce pas de bons résultats à l'avenir. Mais écoutez, nous allons voir, en toute hypothèse, la France insoumise est utile dans ce scrutin à faire en sorte que les citoyens s'impliquent réellement. Et le dire, à l'heure où, si vous voulez, poussent comme des champignons toutes sortes de listes citoyennes, parce que tout le monde se cache. Hein. Ouais. Souvent, la liste citoyenne, c'est le cache-sexe de ceux qui ne veulent pas trop assumer leur étiquette. C'est vrai. Nous, ce n'est pas ça qu'on essaye de faire. D'accord. On a des méthodes d'implication concrètes pour faire que des gens qui n'avaient même pas envisagé d'aller voter finissent même par être sur des listes pour être conseillers municipaux. Vous n'êtes pas fait damer le pion, notamment aux européennes, mais là aussi, on le sent dans les sondages, qui ne sont pas des pronostics, hein, par l'Europe Écologie Les Verts et les écologistes qui sont au cœur, semble-t-il, de cette élection. Est-ce qu'ils ne vous ont pas, d'une certaine façon, doublé dans le virage ? Non, mais bon, d'abord, disons les choses, même si à l'endroit où on travaille ensemble, défendons pas exactement la même conception partout de l'écologie. Vous voyez, par exemple, à Lille, le grand sujet de controverse écolo, c'est la fameuse friche Saint-Sauveur, qui est une friche industrielle considérable. La liste soutenue par la France Insoumise, emmenée par Julien Poix et Elodie Chloé, décidons Lille, est la seule liste qui prône le zéro construction. Même les Verts proposent de construire sur place, parce que nous avons estimé que compte tenu des logements vacants et des mètres carrés, est-ce que les écologistes vous ont pas pris votre place ? Non, mais d'abord non, la place n'était pas à prendre, donc c'est pas le sujet. D'accord. Ce que je veux dire, par contre, quand souvent on faisait le procès à la France Insoumise, vous savez, d'être trop sectaire, etc. Bon, moi je vois que là nous avons créé les conditions d'alliance et de type de démarche qui sont différentes, qui sont de fait, si vous voulez, le scrutin municipal. Moi c'est pas ce que je préfère, hein, la géométrie variable, mais la lisibilité nationale, elle est rendue spécialement difficile. Mais attendez, juste un instant, elle l'est pour La République En Marche particulièrement. Non, qui soutient 53% de candidats de droite, 11% seulement issus de ses rangs. On parle de vous, là. Mais alors, vous parlez des Verts. Les Verts, juste termine sur les Verts. Vous voyez, par exemple, dans les grandes villes, à Grenoble, Tours, Toulouse et Mulhouse, on part derrière eux sans aucune difficulté. D'accord. Par contre, je vois que la réciproque est plus difficile. C'est-à-dire que nous sommes disponibles pour construire ensemble, mais par exemple, les Verts le font qu'à Valence, dans les grandes villes. Donc, il y a beaucoup de villes, moi je pense à Roubaix, où on aurait pu attendre d'Europe Écologie Les Verts, qui est une démarche plus constructive. Termine en disant que, par exemple, à Montpellier, vous voyez, Julien Bayou, le secrétaire national, est allé jusqu'à retirer l'investiture d'une candidate qui était prétendument trop proche de la France Insoumise, alors qu'en plus, nous soutenons une autre candidate. Nous soutenons à Montpellier la liste « Nous sommes » avec Alenka Doulan. Ça n'a rien à voir, vous voyez. Monsieur Jadot, qui est une des figures des Verts, a dit « Si jamais, il y a le Rassemblement national, consigne est donnée de voter pour faire barrage au Front national. » Est-ce que vous donnez la même consigne ? Nous n'allons pas aider le Rassemblement national, mais je voudrais qu'on se garde de faire les seconds tours avant les premiers, si vous le voulez bien. Mm-hmm. Parce que je connais trop bien cette ambiance. On a le souvenir que M. Mélenchon n'avait pas appelé à voter pour Emmanuel Macron contre Mme Le Pen. Pour une raison, c'est que souvenez-vous quand même que le soir de l'élection présidentielle, nous faisons en quelque sorte un sondage interne à la France Insoumise sur les intentions de nos électeurs sur le second tour. Ah, vous allez très vite, on l'a pas eu en une nuit, le résultat. Et le résultat était le suivant, c'était 3/3. Un tiers qui nous dit « je vais voter pour M. Macron pour éviter Mme Le Pen », un tiers qui nous dit « j'irai voter blanc », un autre tiers qui dit « moi j'irai pas, débrouillez-vous ». Et voyez-vous, aujourd'hui, de plus en plus dans le pays, on sent cela. Alors moi je vais vous dire, vous avez raison, le RN... c'est un défi considérable. D'ailleurs, c'est un pétard mouillé. Si on considère leur positionnement sur les retraites, où ils sont prêts à faire toutes sortes de yaka faucon, ils ont été absents des 8 jours de commission spéciale. Donc je prends aussi à témoin leurs électeurs au Rassemblement national. Quand vous pensez exprimer une colère en votant pour ces gens-là, souvent, en fait, vous mettez un coup de pied aux fesses à vous-même. Parce que Mme Le Pen est contre la hausse du SMIC. Ouais. Elle a des alliés en Autriche qui font la semaine travail à 60 heures. Donc, ça ne réglera pas vos problèmes que de voter pour ces gens-là. Voilà ce que je veux dire. Deux petites questions sur 2022. Est-ce que vous aurez Jean-Luc Mélenchon comme candidat en 2022 ? Mais il appartient à Jean-Luc Mélenchon de vous répondre. C'est pas lui, c'est vous ? Moi, je vous dis mon souhait, mais vous savez... si c'est pas lui, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient y prétendre aujourd'hui. Moi, mon souhait, à titre personnel, c'est que Jean-Luc Mélenchon y retourne. Alors, ça, vous moyennant le fait que nous ayons bien travaillé le cadre et le logiciel de campagne, je crois vraiment que Jean-Luc Mélenchon, compte tenu du profil qu'il va falloir de républicain, qui soit capable de monter au créneau sur le régalien face à Emmanuel Macron, qui est bien en peine sur ces questions. D'accord. Je crois que Jean-Luc Mélenchon est de très loin le profil le mieux placé pour y arriver. Marine Le Pen, 2 ans et demi avant le scrutin, s'est manifesté. Est-ce que du coup, Jean-Luc Mélenchon ne doit pas se déclarer pour dire « je serai candidat » à l'élection présidentielle ? On a encore le temps de travailler. Madame Le Pen, elle fait sa campagne permanente, en quelque sorte. Tant et si bien d'ailleurs qu'elle est absente dans des enjeux essentiels comme la question des retraites, où on ne la voit pas en commission spéciale à l'Assemblée. Ouais. Donc nous voulons être une opposition conséquente et avoir un projet de société qui n'est pas juste marketing. Voyez-vous. Donc par exemple sur les retraites, quand Mme Le Pen est devant vous et qu'elle vous dit « moi pour le retour à 60 ans, je fais le plein emploi comme s'il suffisait de signer un décret », travaillez-la un peu parce que Mme Le Pen, moins elle parle, plus elle monte. Il faut qu'on la fasse tous un peu parler, en général, ça lui réussit pas.

sort.